qui commençait très tôt le boulot. On se devait d'être là à vos côtés dès 6h. On vous offre aussi l'iPhone dans un instant. Votre loyer également à gagner dans quelques minutes sur Virgin Radio. Ce sera à 6h20. Vous inscrivez le loyer, votre numéro de téléphone au 7 12 13. On est le 15 septembre. C'est le dernier jour pour payer vos impôts, ce qui explique peut-être son séjour aux îles Caïmans il y a quelques jours. C'est Tristan Sarah pour l'actu partout en France. Voilà, tu te débrouilles avec le fisc maintenant. Ouais. Bon courage. Ouais, merci Robin. Bonjour à tous. Retour à un temps un peu plus calme dans le sud aujourd'hui. Il n'y a d'ailleurs plus aucune alerte météo en vigueur ce matin. La journée sera marquée par une alternance de nuages, d'éclaircies, de faibles averses. Prévoyez 21 degrés en moyenne pour cet après-midi. 14 500 foyers restent sans électricité ce matin à la suite des orages survenus dans la nuit de mardi à mercredi. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine, le centre et les pays de la Loire. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Retour à la normale prévue dans la matinée. Nouvelle mobilisation des opposants à la loi travail ce jeudi. Des meetings et des manifestations sont prévus dans plus de 110 villes à travers le pays. Les syndicats de travailleurs, mais aussi d'étudiants et de lycéens, sont appelés à battre le pavé pour obtenir l'abrogation de la loi. Des appels à la grève ont été lancés dans la fonction publique, notamment à La Poste, à Air France ou encore à France Télévisions. À propos de télé, justement, c'est ce soir à 20h55 que sera lancée la nouvelle émission politique de France 2. Un nouveau prime de 2h, baptisé justement Émission politique, est présenté par David Pujadas et Léa Salamé. Des séquences rythmées, mais pas de duel habituel entre les ténors politiques. La SNCF a dévoilé hier l'Océane. C'est le nom du nouveau TGV qui reliera Paris à Bordeaux en à peine plus de 2 heures dès juillet prochain. Un TGV de 556 places, toutes équipées de prises électriques, prises USB et du Wi-Fi. L'Océane qui a été fabriqué dans l'usine Alstom de Belfort, menacée de fermeture. Il s'était proposé pour une action terroriste. Un jeune de 15 ans a été arrêté hier à Paris et placé en garde à vue. L'enquête se poursuit ce matin. C'est le troisième adolescent interpellé en moins d'une semaine. Tous auraient été contactés par un Français membre de Daesh en Syrie via la messagerie cryptée Telegram. À l'étranger, le retour d'Hillary Clinton dans la campagne présidentielle. La candidate démocrate avait fait un malaise dimanche lors des commémorations du 11 septembre. Elle avait ensuite révélé souffrir d'une pneumonie. Elle devra donc dissiper les doutes qui pèsent sur sa santé pour conserver sa légère avance sur le républicain Donald Trump. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 8 novembre. En sport, en foot, belle soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon s'est imposé 3-0 contre Zagreb et Monaco a battu Tottenham sur le score de 2-1. Monaco qui a réussi l'exploit de s'imposer chez les Londoniens de Tottenham à Wembley. Lyon et Monaco ont donc pris la tête de leur groupe. Le club de la Principauté affrontera Leverkusen lors du prochain match le 27 septembre et Lyon sera opposé au FC Séville. Place aujourd'hui à la première journée de la Ligue Europa. L'OGC Nice va recevoir Schalke 04 ce soir à 21h05. Saint-Etienne jouera à Mayence. Et côté tennis, coup dur pour l'équipe de France de Coupe Davis. Après la blessure de Tsonga, le forfait confirmé hier de Monfils. Le demi-finaliste de l'US Open a fait un faux mouvement en rentrant à son hôtel. Il sera remplacé par Richard Gasquet pour le simple avec Lucas Pouille. Croatie-France, demi-finale de Coupe Davis. C'est dès demain à Zadar. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil! Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio, j'espère que tout va bien pour vous, c'est parti pour une nouvelle journée, on est très heureux d'être là, jeudi septembre, le 15, jeudi 15 septembre, l'équipe est avec moi bien sûr. Yes, je suis content de voir ma petite Laure, ça va? Ça va bien et toi? Rayonnante le matin. Merci. Alors, voilà, un sourire qui irradie toutes vos radios, je le sais, c'est pareil pour Pauline. Merci. La blondeur. La soyeusité de son cheveu. Elle se transmet à la radio le matin. Le cheveu, il est impeccable. Il est lissé. Vous pouvez aller le sentir. Là, il n'y a pas de cheveux secs et cassants. Ouh là là. Le cheveu, il est nourri. Le cheveu, il est costaud. Il est costaud, il est bien dur. Bien sûr. Il y a un masque. Vous faites un masque, vous, sur vos cheveux, c'est sûr. Une fois par semaine, un masque, pas un shampoing tous les deux jours. Ah, plus, bien sûr. Les shampoings phyto. On sent, c'est nourrissant. Il y a un truc, c'est bien vrai. Sûr. Ils sont magnifiques. Et ça se sent à la radio. Et alors là, Clément Lincruz. Bon, Clément Lincruz. Bonjour, le confort de mon corps vous réveille en douceur. C'est magnifique, magnifique. Clément, c'est un traversin qui a pris forme humaine. On adore. Est-ce que quelqu'un n'aime pas les traversins? Tout le monde aime les traversins. Oui. Des fois, on n'aime pas dormir avec, mais on aime quand même en avoir des traversins. Bien sûr. Eh ben, Clément, c'est un traversin qui en a mis un peu de barre. Et voilà, c'est un traversin. Oui, ma Pauline, au standard. Clément, c'est un Danao. Ah ouais. Tu vois cette boisson, c'est un peu lourd quand tu la bois, mais c'est tellement doux. Et en même temps rafraîchissant. Et voilà, c'est ça. Tu sais pas parce que tu bois ce truc. Alors le tanao, c'est un truc, c'est un peu à base de lait et de fruits. Lait et fruits, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que quand tu le bois, tu dis ça va pas rafraîchir. En fait, ça rafraîchit. Ouais. Tu dis pourquoi je bois ça, ça va pas rafraîchir. En fait, ça rafraîchit. Clément, si vous avez d'autres trucs comme ça, continuez, c'est pour mettre sur les sites de rencontres et tout. C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Mettre Clément Danao. Clément Danao. Ouais. Oh et puis alors là, oh là là là là là là, c'est un petit bout d'Irlande. C'est avec nous chaque matin. On fête la Saint-Patrick, la grande fête irlandaise chaque jour. Eh oui, elle est rousse, elle sent la bière. C'est Merci beaucoup. Mais non, allez, mais écoute, aussi Ginger sur les réseaux sociaux. Vous imaginez, Nico du bureau, Clément, la chance qu'on a d'avoir des filles aussi jolies le matin. Bah dis donc. Vous rendez compte? Qu'est-ce qui t'arrive? Faites le tour des autres radios. Oui. Faites le tour des autres radios. Des jolies filles comme ça à 6h, on a beaucoup de chance. C'est mignon, ça, dis donc. Ils ont de la chance aussi, hein. Je veux dire, nous, on a le poil soyeux. Ouais. Moi, j'ai taillé la barbe. C'est vrai. Un peu en perles de lait, tu vois. Venez, on se donne tous un yaourt. Si on était un yaourt, qu'est-ce qu'on serait? Alors, Clément, Danao. Laure, tu serais quoi? Moi, je serais la Danette avec les petites billes dedans qui craquent. Oui, parce qu'il y a toujours un côté craquant. Et oui. Moi, je. Vas-y, Pauline, tu serais quoi, toi? Moi, je serais un fructose. Fructose? Oui, parce que j'ai de l'énergie. Ouais. Bah, donc, toi, je sais ce que tu serais, Nico. Ah. Tu serais genre un bifidus actif. Ah ouais? Un truc de t'as pas envie de le manger, mais tu sais que ça te fait du bien. T'as une fine 0%. Un Actimel. Un Actimel. Tu ne sert à rien, mais tu le bois quand même. Et Ginger, ce serait. La laitière. Un yop. La laitière. Pas mal. La laitière. T'as un côté comme ça, vieille France, là, qu'on aime bien. On aime bien ça, ma Ginger. La laitière crumble fraise, moi je veux bien. Crumble fraise, ouais. Très bien. Et moi je serais quoi comme yaourt? Toi, tu serais un flambi, c'est-à-dire qu'il y a une petite languette. Non, c'est hyper gentil. Il y a une petite languette et bam, on est surpris. Ça glisse et il y a deux couleurs. Vous êtes sur Virgin Radio, j'arrive de bonne humeur, je me prends. Deux minutes après, je me prends flambi dans la tête. Mais c'est gentil. Pas du tout. C'est pas possible ça. Oui, Nico. Télé, radio, tu fais tout, t'es multicarte, on va dire, t'es un panier Dioclet. Non, Clément. T'es un liégeois. Avec une petite couche de chantilly et tout. Et derrière, tu creuses et c'est encore bon. Le liégeois, c'est la vanille avec le chocolat en dessous. Vous savez comment je le mange? D'abord, toute la. Enfin, je veux dire comment je mange des liégeois. Peut-être que vous faites pareil, vous qui vous réveillez là, demain avec nous. C'est pas bien, hein. J'en suis pas fier. C'est que je prends deux liégeois toujours. Ouais. On ouvre un premier, d'accord? Je remue la vanille et le chocolat. Ensuite, j'ouvre le deuxième. Je prends toute la vanille du deuxième. Je mets dans celui que je viens déjà de mélanger, donc double vanille. D'accord. Je mélange, donc il y a plus de vanille que de chocolat. Et celui où il n'y a plus que le chocolat et plus de vanille, je le donne à ma chérie. C'est sympa. Ouais, c'est dégueulasse. Mais c'est pas vanille, c'est chantilly. On parle bien du liégeois. La chantilly, je veux dire. C'est bon, attention, il rigole pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut déconner, mais pas les yaourts. Camille, je me permets d'intervenir. Ce que tu as dit là, vanille et chantilly, ça n'a rien à voir. Je me permets en tant que représentant du parti des gourmands. Chasse et gourmandise. Il est génial ce parti. Non, mais sinon, tu pourrais acheter une bombe de chantilly tout simplement en fait, pour ne pas saccager les autres que tu manges pas finalement. Ma pauvre fille, tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Pareil, bombe de chantilly avec la chantilly du viennois. Les amis, on est tellement heureux de vous retrouver. Toute l'équipe, bien sûr. Ginger, c'est les réseaux sociaux, le standard est déjà ouvert, 3916. Appelez-nous. Je vous ai promis hier, dès 6h, on vous offre un iPhone 7. Dans un instant, on va jouer déjà au pari d'amis. Ouais. Le pari d'amis, vous pariez sur l'équipe qui peut avoir une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Vous n'avez peut-être pas encore entendu ce jeu, mais sachez qu'on va y jouer dans un instant. Restez avec nous. Et un iPhone 7 à gagner avant 6h30. Là, tout de suite, dans 5 minutes à peine, on vous l'offre. Trouvez d'autres radios qui offrent des beaux téléphones comme ça, déjà à cette heure-ci, pour vous tous qui ouvrez peut-être tout juste les yeux et vous tous qui avez bossé aussi toute la nuit, je sais, nombreux. Merci en tout cas de démarrer vos journées avec Virgin Radio. On va payer votre loyer. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Imaginez quand même, je suis tellement heureux de vous faire plaisir comme ça. iPhone, loyer, avant même 7h, le loyer, il y a un seul numéro, Laure. Eh oui. J'avais pas compris que tu me le demandais, mais. Sous-entendu, lequel? Bien sûr, le 7, 12, 13, loyer, votre numéro de téléphone, et puis surtout, vous répondez parce qu'on vous appelle en masqué. Ben oui, il y a un numéro. Loyer au 7, 12, 13. Les amis, chaque SMS vous enregistre pour être le gagnant, peut-être, je vous le souhaite, de 6h20, mais en plus, pour le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. 50 instant, c'est demain. Vous voyez, J-1. Oh là là, ça fait 3 semaines que je l'attends, ce jingle. Ça y est, on est à 24 heures maintenant de faire ce cadeau de dingue. Donc n'hésitez pas, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Un texto, c'est 2 fois plus de chances de gagner, Clément. Alors nous, on n'a pas le droit de jouer, mais est-ce que si quelqu'un gagne et dit hey, « vous êtes tellement formidable, j'ai envie de partager avec vous », on a le droit d'accepter? Ouais, vous avez le droit d'accepter. Ok, oh, génial. Ah, cool. Bien, ça, j'ai rien. T'as un loyer de combien? J'ai un loyer de... Bref, moi c'est difficile parce que j'adore ma proprio, mais on va dire 900, allez. 900 euros. Eh ben Clément, je dois vous dire que je te ferai un chèque demain matin à 8h20 de 540 000 euros. Eh ben vous savez quoi, comme je vous aime bien, je partagerai, vraiment. Ouais. 540 000 euros, et je précise, c'est important, on ne le répète jamais assez. Ce chèque, on vous le fait en une fois. Vous dépensez l'argent comme vous voulez. Vous offrez tout ce que vous voulez. Vous mettez de côté, vous remboursez un énorme prêt. Tout ce qui vous fait plaisir. Et le pop rock électro que vous aimez, c'est ça aussi qui vous aide à vous donner du courage chaque matin. On commence avec Adèle. Allez, pour ce morceau, Send My Love. Excellent réveil. C'est Virgin Tonic. On vous accompagne jusqu'à 9h avec toute l'équipe. Hi, I'm Adele and you're listening to Virgin Radio. Send my love. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Septembre, l'équipe est là, les couilles. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on est heureux d'être là. Courage, hein, si vous êtes encore peut-être sous la douche. D'autres sont déjà en train de préparer le petit-déj. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 9h. Et avant 7h, un loyer à gagner et un iPhone 7. Appelez-nous au 3916. Puis je viens de voir une étude, tiens, qui nous vient de l'université de Ottawa. Oui. Alors, c'est bien ça. Bah oui. En ce moment, il y a énormément de pluie en France. Il y a comme une ligne Maginot qui sépare la France, puisque voilà, il y a des intempéries un peu dans le sud qui sont en train de remonter dans le nord aujourd'hui. Hein, ça va commencer, il va y avoir de la pluie un peu partout en France. Eh bien, sachez que pendant une averse, la vitesse de chute d'une goutte de pluie est d'environ 23 km/h. Ah. Une goutte de pluie, elle tombe à plus de 20 km/h, j'aurais cru. franchement beaucoup moins, Clément. Ouais. Mais non, mais c'est pour ça, même quand il y a de la grêle, tu vois, c'est des tout petits trucs, ça fait pas mal, mais avec la vitesse, tu te prends de la grêle, tu peux être assommé. Ah bah oui. Mmh. Il y a un truc que je déteste quand il pleut. C'est quoi? C'est que ma chérie tient le. Elle tient le parapluie. Ah, ouais. Ouais. Donc moi, je passe l'après-midi à me prendre ça et le bout, les pics des parapluies, on appelle les baleines. Ouais. Mmh. On parlera de ce nom qui veut rien dire. C'est pareil dans les soutiens-gorge. À quel moment tu t'es dit, tiens, ça ressemble un peu à l'animal marin qui fait 16 mètres, ça. Donnons le même nom qu'à cet animal marin, c'est débile. Et donc tu te prends la baleine toute l'après-midi dans la tête, Clément. Moi, si je peux m'adresser aux scientifiques d'Ottawa, il faut inventer des essuie-glaces pour les lunettes. Parce que quand t'as des lunettes et qu'il pleut, tu rentres, il y a de la buée partout, tout le temps, c'est horrible. Sinon, ils ont inventé des lentilles, on t'en parlera, Clément. Mais je vais essayer ce phénomène. Avec des essuie-glaces? Non, il n'y a pas d'essuie-glaces. Bah, ce sera le même problème. Il n'y en a pas besoin. Oui, Laure. Moi, le petit truc relou quand il pleut, c'est ma tête. Parce que le brushing tient pas deux minutes en fait. Bah en fait, dès qu'il pleut, en fait, Laure part le matin et le soir elle revient, c'est Biouna. Voilà. Tu viens de raconter ma vie. Ça a frisé quoi, Pauline, au standard. C'est hyper relou pour nous les filles, on peut pas mettre de talons. Donc on est en basket, sinon on glisse, on peut se faire très mal. Moi je me suis déjà fait fouler une cheville parce que j'avais quand même lutté contre la pluie en talons. Ah ouais, très dangereux, ça c'est vrai, c'est très vrai. Oui Laure. Mais elle verra quand elle sera grande, elle pourra mettre des talons même quand il pleut. Pourquoi? Bah, parce qu'on apprend à marcher avec des talons même sous la pluie quand même. Bah bien sûr. Bah oui. Bah évidemment, bah oui. Parce que Laure, dès qu'elle devient Biouna, attention. Elle peut tout faire, elle ne craint plus rien. Oui, Clément. Mais le matin, quand elle arrive, c'est Beyoncé. En revanche, avec les talons. Elle passe de Beyoncé à Biouna, c'est les journées de Laurent. Avec un peu de pluie, The Chainsmokers, tout de suite, je l'adore ce morceau. Je sais que vous aussi, pardon. Excellent réveil sur Virgin. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisis. J'ai un loyer à vous offrir sur Virgin Radio. On est les seuls à vous faire ce beau cadeau. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Vous augmentez aussi vos chances d'être le gagnant demain, 8h20, du plus gros cadeau jamais offert sur une radio. C'est les 50 ans de loyer, les copains. Donc n'hésitez pas, vous augmentez vos chances d'être tiré au sort. Et puis un iPhone 7 aussi qui tombera avant 7h. Ne bougez pas, restez avec nous. Dans ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby. Voici Capture, le crossover. Avec sa position de conduite surélevée, il offre une parfaite vision du jeu. Capture est à partir de 169 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre sous condition de reprise pour Capture Life Energy TCE 90 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 200 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui. Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et mur intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous! Hors ampoule, interrupteur, accessoires et colle, hors commande et promotion en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Il n'y a plus de département en alerte ce matin. Dans l'ensemble, ce sera un temps assez humide aujourd'hui avec des averses sur toute la moitié nord. Quelques éclaircies de retour sur le sud du Bordelais au Golfe du Lion. Les températures enfin en baisse. On va respirer un petit peu. 17 degrés cet après-midi à Brest, 18 à Limoges, 19 à La Rochelle, 20 à Cherbourg et à Rennes. Vous aurez 21 à Nantes, Bordeaux, Biarritz et Valence, 22 à Lyon, 23 à Paris, Marseille, Chantilly, Perpignan, 24 à Strasbourg et à Nice. Maximal 26 en Corse. Très bon réveil. Demain à 8h20, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux jamais offert. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans de loyer. Wow. Oh là là, ah, c'est pas vrai hein. C'est pas possible. Un loyer payé pendant 50 ans. Impatient de vous offrir ça, les copains. Demain, à 8h20, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer, inscrivez-vous maintenant au 712-13. Code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. Bieber, au 88-484, Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R, au 88-484, accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88-484. Abonnement 3 euros par semaine DGP. Tous les dimanches 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Julien Doré et Nash sont les invités de Lionel dans le Lab Virgin Radio. I hate you, I love you, I hate that, I love you. Don't. This is Nash on Virgin Radio. Les meilleurs artistes rock, electro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Il s'en passe des choses. On n'a jamais eu autant de cadeaux à vous offrir dès 6h. Je pense très très fort à vous tous qui avez bossé cette nuit, les veilleurs de nuit, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins. Merci de nous être si fidèles et d'être là au rendez-vous le matin. D'autres sont encore sous la douche, en train d'ouvrir les yeux. Quoi qu'il en soit, on vous gâte. Nous, dès 6h, un loyer. Ça, c'est tous les matins à 6h20. Et là, ça y est, juste après, appelez-nous au 3916, le pari d'amis pour repartir avec l'iPhone 7. Ouais. Okay. Il ne sort que demain, avant tout le monde, vous l'aurez. Pour l'instant, le tirage au sort, vous le savez, c'est par SMS. Loyer au 7, 12, 13. On y va, c'est parti. Hier, on a encore offert 2 200 €. 2 170 Ouais. Euros. Ouais. Attention, dès qu'on parle d'euros, l'or est très précis. Oui, c'est important. C'est important, bien sûr. On y va, on appelle Yves. Tout à fait. Yves, pas la rappeuse américaine. Hein. Souvent des déconneurs, les Yves. Souvent des déconneurs. Ouais. Tonton Yves. On a toujours un tonton Yves. Moi, c'est tonton Yves. Merci, Laure. Allô? Je vous avais dit qu'il était déconneur. Sacré Yves. Allô? Ah, apparemment, c'est un appel sur son Telegram. Oui, ouais, Marc Cassin, oui. Ok, autorisation d'attaquer. On part à Verdun. Qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est du morse. C'est une messagerie. C'est vraiment du morse. Ah, je crois que c'est une messagerie. Comment, Flipper? On dirait qu'on parle. Comment, Flipper? Les Callaghan sont en danger? Mais allons-y très vite. Bon, Yves apparemment n'est pas avec nous. Hein. Malheureusement, écoute, je suis désolé. Il a désolé. Pas de réseau, peut-être. Il a peut-être pas de réseau. Yves, mon bichon, on plaisante, mais alors ça m'embête. Mm. C'est assez rare, mais voilà, tu étais inscrit, on t'a rappelé, et malheureusement, tu n'as pas décroché. Donc, je suis désolé pour Yves et pour tous ceux-là qui espéraient qu'on les rappelle en direct. Rassurez-vous, c'est pas si grave, puisque tous vos SMS sont conservés. Tous vos SMS vous ont enregistré. enregistrer pour le tirage au sort. Ça y est, J-1, on y est. 50 ans de loyer. J-1. Vous tous qui nous êtes fidèles le matin, Yves, donc qui n'a pas décroché mais qui nous entend peut-être, ça a capté peut-être pas, on n'a pas le droit de vous rappeler. Ouais. Sachez que vous êtes tous enregistrés pour le tirage au sort de demain. 8h20, plus gros chèque jamais fait sur une radio en France. 50 ans de loyer, un chèque, voilà, peut-être jusqu'à 900 000 euros, 1 million d'euros. Voilà peut-être ce qu'on vous offrira demain. Nous, on fera le chèque, après vous le dépensez comme vous voulez, évidemment. Je vous souhaite bonne chance. Je suis déjà à la pression de demain, 8h20. Oui, c'est presque incroyable, en fait. On a déjà offert 10 ans de loyer, c'est exceptionnel. Et je peux vous dire, vraiment, on avait les miquettes. Et là, je suis déjà, je vous jure pas bien, à plus de 24 heures de l'événement maintenant. Je me sens pas bien, je sais que ça va être un moment incroyable. Et là, c'est important de le préciser. Hein. On appellera des gens jusqu'à ce qu'on ait un gagnant, évidemment. Oui. Ah, ben ça décroche pas, dommage. Salut. De 50 ans. Non. Évidemment, s'il faut appeler 10 personnes, on appellera 10 personnes. Quoi qu'il arrive, on tirera au sort parmi ces 3 semaines de SMS. Une personne pour 50 ans, Pauline. Et moi, j'ai prévu les mouchoirs parce que dans cette équipe, on lâche toujours une petite larme dans ce moment-là. Ah, ben là, il va y avoir de la larmichette. C'est sûr. Tu te rends compte, c'est une vie entière. Oui, c'est fou. Oh là là. Ça fait bizarre. Ouais, hyper bizarre. 50 ans jusqu'à mes 85 ans. Je paye plus le loyer. J'adorerais. Ouais. Oh là là. Bon, les amis, vous l'avez compris, loyer au 7, 12, 13. Et puis, nouveau tirage au sort, c'est dans combien? C'est dans une heure. Ouais. Et c'est en exclusivité dans le Virgin Tonic tout de suite. Matt Cohn, Don't Worry, excellent réveil. This is Matt Cohn. You are taking out Virgin Radio. Tonic. Take it to the future. Forget about the past. You can keep all of your secrets. I swear that I won't pass. Let go of all your troubles. I don't care where you've been. The only thing that matters now is where the night will end. Them bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Nah, nah. Like there's no tomorrow. Waking on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Waking on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Show me what you got. Just keep the record spinning. The music never stops. You wanna live forever and reach above the stars. Let's take it to the next level. Just light the spaceship up. And bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. No, no. Like there's no tomorrow. Waking on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't you worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Jeudi, aujourd'hui, le 15 septembre, soyez les bienvenus. Bientôt 6h30 les amis, bientôt un point sur l'actu bien sûr. Et puis bien sûr le réponse à tout de Clément Lincrus qui arrive aussi quand il descend dans la rue. Poser des questions aux enfants, Clément. On parlera coiffure, est-ce que vous aimez bien les enfants ou pas? Aller chez le coiffeur, c'est la question que je leur ai posée. Courage à vous tous hein, qui ouvrez les yeux. Là je sais que là vous arrêtez pas de retoucher la touche snooze. Voilà, à 7h06 c'est le moment où vous dites ah, faut y aller, non, encore 5 minutes, hein, faut y aller, encore 5 minutes. Ça fait 1000 fois que vous entendez ma voix qui est en train de vous énerver. Forcément, courage à vous tous. Tiens, je viens de voir une info sur le site du Huffington Post. Yeah. Les dates de reprise de vos séries américaines préférées. Ah, ça m'intéresse. Et j'en suis sûr. Alors, les séries américaines, on le sait, on les retrouve très vite en France le lendemain, en sous-titré. Ouais, donc ouais. Là, je vais vous donner la date de reprise. C'est aux États-Unis. Et c'est intéressant de savoir quand ça reprend. Ah bah oui, bien sûr. Et dites-vous, allez, 24, 48 heures max après, vous pouvez les retrouver sous-titrés, voilà, sur le replay. Laure, quelle série, par exemple, tu as? Alors, Grey's Anatomy, c'est quand? Grey's Anatomy, on est déjà à la saison 13. Bah, bien sûr. Ah, bah. Ça va vous, je suis sûr que ça vous intéresse, vous tous qui nous écoutez. C'est le 22 septembre. Oh là là. Ah, donc ça arrive, ça y est. Ça y est, c'est demain. C'est demain, ça y est, ça y est, ça y est. Quantico. Ouais. Vous la connaissez, cette série? Évidemment. Elle est formidable. Eh bien, la nouvelle saison de Quantico, avant que ça arrive sur M6, bien sûr, ça reprend aux États-Unis la saison 2. Le 25 septembre. Cool. Ah, super. Et Game of Thrones, c'est celle que tout le monde attend. Moi, c'est ma préférée. Saison 7. Saison 7. Non, mais elle a repris en juin, Games of Thrones. Eh oui. Donc, il va falloir attendre le 25 juin 2017. Oh non, ils avaient dit octobre. Eh ben non. C'est juin. Bah ouais. Eh ben ouais, c'est juin, ma grande. On tombe mal en patience. Oui, Clément. Alors, si vous n'avez pas la patience, il y a une série qui est extraordinaire qui s'appelle Engrenage. C'est une série française et c'est un peu la série de secours quand tu sais pas quoi regarder parce qu'elle est pas datée, mais elle est géniale. Ça, c'est ta série préférée de secours? Quand j'attends les grosses séries, quand il y en a d'autres que je préfère, mais quand il y a rien, je regarde ça, c'est français et du coup ça sort pile à l'heure. C'est marrant que tu dises ça parce qu'on a tous des séries de secours. Oui, c'est vrai. On a les séries qu'on suit absolument et les séries de secours. Walking Dead, moi j'adore Walking Dead. Reprise le 23 octobre. Okay. Ah bah ça va. On va attendre un petit peu. Je suis comme un dingue. Mais on a des séries de secours. Vous aussi, je suis sûr. Tiens, je vais vous demander au standard au 3916. On a plein de monde déjà. Tiens, on va demander à Florent par exemple. Salut Florent. Salut Camille, ça va? Salut mon poteau. Je te pose une question, peut-être pas d'ailleurs. Est-ce que toi, comme nous, t'as une série de secours quand ta série de dingue n'est pas diffusée? Ouais, c'est Dr House. Dr House? Ouais, ça vieillit pas. Bien. Ça, ah ouais. C'est un truc, c'est intemporel. Mais par contre, j'ai tous les symptômes après la fin de chaque épisode. Non, mais tu plaisantes, mais moi, urgence, Grey's Anatomy, Docteur, je peux pas regarder, j'ai l'impression de tomber malade en la regardant. Ah bon? Non, au contraire, ça enlève la peur parce que justement, tu le vois et ça enlève la peur. Moi, ça me calme. Ah non, moi, je regarde sur Doctissimo après. Non, je m'effloue, mais moi, je suis pareil que toi. Sigrid, ma chérie, est-ce que toi aussi, t'as une série de secours, toi? Salut, ma belle. Ouais, bah moi c'est Esprit Criminel, j'adore les citations au début, les citations philosophiques, c'est dur à dire. Philosophique à 6h30, c'est pas simple à dire, Clément. Et est-ce que comme Florent qui vient de passer à la fin de la série, tu vas te rendre au commissariat? Pas encore à ce point-là, mais bon, je regarde dans les placards quand même. Moi j'ai une série de secours en ce moment, voilà, moi je suis fan de Walking Dead, de tout ça, mais c'est Blacklist. C'est vachement bien. Okay. Ah ouais, c'est vachement bien en secours. D'accord. Genre, quand t'as été entre deux épisodes et que t'attends. Genre, t'as crevé sur l'autoroute du soleil et donc ça te dépanne bien. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça passe sur TF1. Hein. C'est un carton. Oui, Clément. C'est la série que tu conseilles pas, mais que tu peux regarder. Oui. Ouais. C'est ça. Mais au final, au début, tu regardes, tu dis c'est pas ouf. Puis au final, tu peux plus t'arrêter. Tu dis je sais pas pourquoi je continue alors que c'est pas ouf. Mais tu continues. Tu vois ce truc. C'est un peu comme Juju avec toi alors. T'es méchant. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Avant tout, merci Sigrid, merci Florent, les bichons. C'est marrant ça qu'on ait tous une série de secours. Bah oui. C'est bizarre. Oui, Nico Dupont. La meilleure, ça reste quand même Friends. Tu prends n'importe quelle saison, n'importe quel moment, tu dis ah ouais, là, on connaît tous cette série et c'est génial. C'est un peu pareil avec aussi, il y a, comment ça s'appelle, tous les ingénieurs là. Mais si, tous les scientifiques là, Sheldon et tout ça. Ah, Big Bang Theory. Maintenant c'est fini, mais How I Met Your Mother, c'est vrai que tu pouvais prendre un épisode un peu perdu comme ça et tu te régales. C'est les séries de secours. Bah, restez avec nous les amis sur Virgin Radio. Jonas Blue, notre tube de secours. Il arrive dans un instant. Ne bougez surtout pas, juste un point sur l'actu, on revient. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il n'y a plus aucun département en alerte ce matin, c'est le signe d'une certaine accalmie, même si les averses resteront très présentes avec des orages sur les Hauts-de-France et la Normandie. 22 degrés cet après-midi à Paris, vous aurez 23 à Lyon et à Marseille, 24 à Nice et 27 en Corse. La Corse où l'on pourrait connaître dès ce matin le sort réservé au procès de la rixe de Cisco. L'audience devait débuter cet après-midi à Bastia, mais les avocats de la famille marocaine impliqués dans l'affaire ont demandé le dépaysement du procès sur le continent. Trois frères marocains et deux villageois corse mars seront jugés pour violence en réunion. À propos de violence, coup de chaud hier soir à Corbeil-Essonne en région parisienne, des affrontements entre bandes rivales du quartier des Tarterets et de celui de Montconseil. Un jeune de 19 ans entre la vie et la mort ce matin à la suite d'une fusillade. Déjà un peu plus tôt, un gérant de bar avait été abattu dans son établissement tout proche de la mairie. 200 policiers ont été déployés pour tenter de ramener le calme dans la cité. Ce sera la 14e et peut-être la dernière manifestation anti-loi travail. Les syndicats de travailleurs et les organisations de jeunesse appellent à la mobilisation aujourd'hui contre le texte voté cet été. Plus d'une centaine de manifs sont prévus sur tout le territoire. Des appels à la grève ont été lancés pour aujourd'hui à la SNCF, à Air France ou encore à La Poste. De son côté, l'intersyndicale d'Alstom invite tous les salariés du constructeur ferroviaire à débrayer le mardi 27 septembre. Elle réclame le maintien de tous les sites d'Alstom en France et la préservation de tous les emplois, notamment à Belfort, ainsi que la fin des délocalisations. Les mordus de politique ne manqueront pas à la nouvelle émission de France 2 ce soir à 20h55. Nouveau rendez-vous tous les 15 jours, baptisé émission politique et présenté par David Pujadas et Léa Salamé. Dans un autre registre, l'arrivée aujourd'hui de la nouvelle chaîne Elle pour les femmes de 18 à 49 ans, canal 45 de Canal Sat. Puisqu'on évoque la télé, c'est Sofia Vergara, la star de la sitcom Modern Family, qui reste pour la 5e année de suite l'actrice de télé la mieux payée au monde. 43 millions de dollars empochés l'an dernier, selon le magazine Forbes. À 44 ans, l'américaine colombienne Sofia Vergara a gagné plus d'argent que toute star masculine du petit écran. On passe au foot avec la première journée de Ligue Europa. Deux clubs français opposés à deux clubs allemands. L'OGC Nice face à Schalke 04 et l'AS Saint-Etienne sur la pelouse du FSV Mayence. Hier soir, belle soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon s'est imposé 3-0 contre Zagreb. Monaco a battu Tottenham sur le score de 2-1. Enfin, n'oubliez pas donc de jouer avec nous pour peut-être gagner demain 50 ans de loyer dans l'émission Virgin Tonic de demain matin à 8h20. Bon réveil. Tous les amis, merci de nous avoir choisi. Le Virgin Tonic qui continue, 6h33. J'espère que tout va très très bien chez vous. L'équipe va bien, je vous dis. Oui. Dans un instant, on écoutera Jonas Blue. Dans un instant, il y a le réponse à tout de Clément Lincruz qui va arriver. Et puis surtout, très beau cadeau. Oh. Eh oui, avant 7h. Alors, je vous avais promis à 6h, on n'a pas encore eu le temps. Appelez-nous au 3916. Avant 7h, je vous assure qu'on vous offre l'iPhone 7. Il ne sort que demain. On le précommande pour vous. Vous l'aurez avant tout le monde en France. Sans dormir dans un duvet du vieux campeur devant l'Apple Store. Et déjà, vous pourrez frimer avec ce téléphone de dingue. C'est le beau cadeau qu'on vous offre. On va rejouer au pari d'amis. Dans un instant, on en a même deux à offrir d'ailleurs ce matin d'iPhone. Là, à 6h et puis avant 9h, on en aura un autre, évidemment. J'ai une info incroyable. Alors vas-y. Très drôle. Est-ce que vous savez ce qu'est la génération Y? Non. La génération Y. C'est 30 ans. Voilà, c'est les personnes nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90. Ouais. D'accord? Ok. Donc c'est nous. Donc nous, on est en plein dedans, c'est de 30 à 40. Vous qui êtes en train d'ouvrir les yeux avec nous, vous êtes très nombreux de la génération Y. Eh bien, cette info, elle est folle parce que des chercheurs ont prouvé que nous tous, donc la génération Y, on a la main molle. Tu veux dire quand on serre la main? La main molle. Ah bon? La main molasse. Mais parce qu'on nous a pas appris l'époque de nos parents et tout, ils ont fait l'armée, ils ont des vrais poignées de main. Nous, il y a des mecs qui ont la main molle, j'avoue. On a la main molle. Attention, la main, je précise. Oui, le reste est très dur. Attention, c'est bien dit la main molle. Et sachez que les hommes sont capables d'émettre en moyenne jusqu'à 37 kilos force en serrant une main, alors que dans les générations, alors qu'avant, c'était 45. Donc on est moins costaud que nos parents ou quoi? On a la main molette. C'est bon. Non mais quand tu serres la main d'une personne plus âgée, des fois elle te broie la main aussi. Elles ont vraiment des bonnes poignes, non? Parce que t'as la main molle, mon pote. Laure. Moi, on m'a toujours dit que j'avais une poignée de main ferme et déterminée. Montre. Allez. C'est de la main molle. Non. C'est de la main moite. Oui. C'est parti, réponse à tout. Réponse à tout. T'as l'impression, alors c'est la main de maître nageur. Ouais. Oh, c'est toi qui a les mains moites. Non mais en même temps, ça prouve qu'elle n'est pas de notre génération. Ma petite Laure, tout va bien. Non, c'est Clément qui s'occupe du réponse à tout, pardon. Je descends dans la rue, je discute avec les enfants et là je parle coiffure. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous aimez pas chez le coiffeur? J'aime pas quand c'est de travers. Ben, il coupe nos cheveux et nous on veut pas. Bah, l'autre jour j'ai demandé à ce qu'elle me fasse un carré plongeant, sauf qu'elle m'a juste coupé les cheveux droits. Et alors, c'est très joli? Non.

puisque je vais rester tout seul avec Sophie qui est avec nous au 3916. Salut Sophie. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut ma belle, tu viens d'où? De Lyon. De Lyon, très bien. Et ma belle, je vais te poser trois questions de culture générale, plus ou moins faciles. D'accord? Oui. Peut-être que tu as la bonne réponse, peut-être pas. En fait, on s'en moque. Le truc, c'est que toute l'équipe, là, vous pouvez sortir maintenant, n'entendre pas ce qu'on va dire. Et en fait, tu vas devoir parier. Je te demanderai à chaque question de me trouver soit quelqu'un qui a la bonne réponse selon toi, soit quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse. Tu auras trois possibilités. Si dans les trois questions, tu fais un bon pari, tu paries sur la bonne personne, eh ben, tu gagneras ton iPhone, d'accord? D'accord. Alors, c'est un jeu qui est difficile, mais en même temps, c'est pour un beau cadeau. On en a offert un hier, mais il y a eu plein de gens qui n'ont pas réussi ce jeu. Donc, je te souhaite bonne chance. Je vais te poser la première question, Sophie, attention. Première question du pari d'amis. Combien de jours comporte une année bissextile? Combien de jours comporte une année bissextile? Est-ce que tu as la bonne réponse d'après toi déjà? C'est combien, ma Sophie? C'est 365. 366. Une année bissextile, c'est 366. Et je vais te demander de parier sur quelqu'un de l'équipe parmi les cinq qui, selon toi, aura finalement, comme toi, une mauvaise réponse. Je dirais Laure. J'aurais dit pareil. Souvent, sur les mauvaises réponses, c'est ou Laure ou Pauline, hein, sur qui on parie. On y va, deuxième question. Est-ce que peut-être tu le sais? Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? Ah, t'es fouette. Faut avoir fait un bac S. Hein. Faut qu'il est bon ou pas? Mais déjà, est-ce que t'as la bonne réponse? Ah non, pas du tout. C'est l'ADN. Je le savais pas non plus, hein, pas du tout. C'est l'ADN. D'accord. D'après toi, je vais te demander de trouver quelqu'un qui pourrait avoir la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, je dirais Clément. Clément, très bien. Et la dernière question, est-ce que tu sais quel aliment on fabrique avec une baratte? Une baratte? Non. C'est le beurre. Le beurre. Ah oui. Et je vais te demander de trouver quelqu'un qui puisse avoir la bonne réponse. D'accord. Selon toi? Eh bien, je vais redire Clément. Clément aussi. Très bien. Un pari sur Laure, deux paris sur Clément. On va leur demander de nous rejoindre, attention. Sophie, vous tous qui nous écoutez, maintenant on va savoir si les paris sont bons. Vous tous qui m'écoutez, vous connaissez les questions, vous connaissez aussi les réponses. L'équipe ne le sait pas, vous, votre but c'est de répondre. Bah oui. Et après on vous dira si on cherche quelqu'un qui a la bonne ou la mauvaise réponse. Allez. La première question, le pari est sur l'or. Ah. Sophie t'a fait confiance pour repartir avec cet iPhone 7. Oh, j'ai peur. La question n'est pas simple. Voilà. Combien de jours comporte une année bissextile? Une année normale, une année bissextile. Est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'il y en a pareil? Bah 366. Vous dites 366? Oui. C'est une bonne réponse, Laure, mais on cherchait quelqu'un qui avait une mauvaise réponse. Oh non! Aïe, aïe, aïe. Moi, je te dis tout ma soso, en vrai de vrai, hein. Moi, j'aurais répondu 364. Pourquoi? Ben, je sais pas. Une dans ma tête, il y a pas les mêmes jours, ouais. Alors, c'est idiot. Ben ouais, je sais. Mais comme ça, je vous dis, j'aurais pas eu la bonne réponse. Sincèrement, je me serais planté. Ah. Laure, t'avais la bonne réponse. Elle pensait que t'allais te planter. Je suis désolé. Pour l'instant, c'est raté. Il te reste deux possibilités. Tu as fait deux autres paris. J'adore ce jeu. Je suis comme un. Je pourrais faire plus que ça. Après TF1, je veux le faire en prime. On continue. Attention. Je me tourne maintenant vers Clément. Clément, le deuxième pari. Sophie, elle a misé sur toi pour gagner cet iPhone 7. Clément, la question, la voici. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? Sous quel nom est plus connu cet acide? Clément, ta réponse. L'aspirine. L'aspirine. Non, c'est l'acide acétyl salicylique. Non, ben, du coup, je l'ai pas celui-là. Sophie, c'était quoi la bonne réponse? L'ADN. L'ADN. On l'a dit. Ah, d'accord, pardon. C'était l'ADN. Ah, oui. Qui avait la bonne réponse dans l'équipe? Ginger, tu le savais? Ah oui. Laure aussi? Eh oui. Leur fille c'est de dentiste. Je vais faire ça maintenant. Ah, il fallait la bonne réponse. Il faut être des fidèles de l'émission pour savoir où il fallait quelqu'un qui ait la bonne réponse. Ah, pardon. Les fidèles de l'émission sont avantagés parce qu'ils connaissent les spécialités de chacun. Voilà, Ginger, très douée en maths. Et leur fille de dentiste, donc elle connaît tout ce qui est ADN et les meilleurs golfs près de Deauville. C'est vraiment les deux choses sur lesquelles elle est très calée. On y va, attention. Dernier pari. C'est encore pour Clément. Ah, je suis désolé Clément, je sais que c'est... L'équipe, vous êtes presque content quand ça tombe pas sur vous parce que vous pouvez faire perdre un iPhone à quelqu'un. Sophie, elle le sait, voici la dernière question. Clément, je pense que j'aurais parié sur toi aussi, sincèrement. Ok, vas-y. Quel aliment fabrique-t-on avec une baratte? Il y a un aliment qu'on fabrique avec la baratte. Ne dites surtout rien l'équipe. sincèrement, qui a la bonne réponse? Il y a Laure et Pauline, on verra après si c'est le cas. Clément, j'écoute ta réponse. J'ai envie de dire les frites pour la barata frite. Je vais quand même t'autoriser une deuxième réponse. Quel aliment fabrique-t-on avec une barate? C'est pas le truc pour... je peux pas aider, les amis, il y a un iPhone en jeu. Tu sais, tu fais comme de la crème et ça fait du beurre, là. C'est pas le truc où... Faut répondre, Clément, lance-toi. Je n'en sais rien, le beurre. C'est ça. Dis le beurre. L'aliment qu'on fabrique avec une barade, j'en avais aucune idée avant de découvrir la question. C'est le beurre, on cherchait quelqu'un qui ait la bonne réponse. Ouais, Clément, mais Clément, il nous a fait peur. Non, mais j'étais pas sûr du tout. Hein. Bravo. Oh là là là là là là. Oui, le beurre de Barat. Le beurre de Barat. Ah bah, marions-nous. Barat Obama, moi je connaissais, mais je connaissais pas le beurre de Barat. Sophie, ma chérie, je suis tellement heureux. C'est un jeu qui est difficile. Ah ouais. Je suis trop heureuse aussi. Je suis trop heureux. On va prendre toutes tes coordonnées, comme ça on va précommander là immédiatement l'iPhone 7 qui sort demain. Tu seras l'une des toutes premières en France à l'avoir dans les mains, d'accord? Oh, vous êtes génial, merci beaucoup. Clément, je t'aime. On mettra mon numéro dans l'iPhone 7. Merci à toi, ma belle, d'avoir joué avec nous. Et pareil, on refait un pari d'amis, comme ça, pareil, 39-16 d'ici la fin de l'émission. Et un autre iPhone à gagner ce matin. Les amis, nage tout de suite. I hate you, I love you. Je suis pas bien, je suis passé par toutes les émotions. Il faut un peu de pop rock électro pour se calmer. Bon réveil sur Virgin. But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out but you wouldn't bite that. I type a text but then I never mind that. I got these feelings but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed was slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. À vous les amis, merci de nous choisir plus nombreux chaque matin, on le sent, on le sait sur les réseaux sociaux, au standard le 3916 et puis derrière votre radio, on sent que vous êtes là, un grand merci de nous être fidèles et pour vous remercier, pour vous récompenser, on a décidé de vous offrir le plus beau cadeau qui ait jamais été offert sur une radio. Demain matin à 8h20, on vous fera peut-être un chèque qui va jusqu'à 1 million d'euros peut-être. C'est 50 ans de loyer pour vous inscrire, loyer au 7-12-13 par SMS. Le pop rock électro de DJ Snake qui arrive dans un instant. Bon réveil sur Virgin.

Merci d'être là si nombreux, les copains, chaque matin à l'écoute du Virgitonic 6h-9h avec le Guy bien là, bien sûr. Oui, oui. Allez, courage à vous tous. Vous êtes la France qui se lève tôt. Peut-être que vous bossez sur les chantiers, dans un hôpital, voilà, ou juste peut-être loin de chez vous. Oui, voilà. Et vous avez beaucoup trop à faire, donc vous êtes déjà réveillés. Merci en tout cas de nous être fidèles chaque matin. Bien sûr, un point sur l'actu à 7h comme tous les jours. Et juste après, 7h05, c'est votre moment vraiment. Vous nous faites rire comme vous le faites tous les matins avec la question de ouf en répondant à la question du jour sur notre répondeur. Quelle est la phrase type d'un vendeur, quel que soit le magasin? Ça, c'est génial. On va le découvrir dans un instant. Et ce matin, je voudrais remercier Julien qui m'a envoyé un petit message. Oui. Vas-y. Sur les réseaux sociaux. Je vais le lire parce qu'il m'a fait rire. Salut Camille, j'ai un service à te demander. D'accord. Là, je commence à m'inquiéter. Ouais. Ma copine râle un peu en ce moment parce que je passe plus de temps à m'inscrire aux 50 ans de loyer qu'à répondre à ses textos. Donc, si tu peux m'appeler demain à 8h20, ça m'aiderait. Ah, évidemment. 50 ans de loyer, c'est un beau cadeau qu'on vous fait demain en exclu. Après, il faut pas que ça ruine votre ménage non plus. Non, c'est parce clair. Que sinon, vous passerez 50 ans de loyer célibataire. Oui. Ah, oui. Et c'est dommage. Faites attention. Mort aux jaloux, quoi. Ah, mais les femmes, vous êtes sont jalouses de tout. Oui. Faut expliquer. Les femmes, vous êtes beaucoup plus jalouses que les hommes. Pas de tout. Non. Être jalouse de là, j'embrasse Julien, mais enfin, de là être jaloux de parce qu'il s'inscrit à 50 ans de loyer. Parce qu'elle doit penser qu'il envoie des SMS à quelqu'un d'autre. Voilà. Je sais bien que c'est pour ça, mais quand même, s'il lui explique après Clément. Tu sais que j'ai mon meilleur pote, il est tellement jaloux. Donc, sa chérie, elle a des amis gays. Et elle est persuadée qu'ils sont pas vraiment gays et qu'ils veulent la draguer. Je lui dis, mais c'est le summum de la jalousie quand même. C'est le summum. Ouais. À quel moment vous êtes un peu jaloux? Tiens, je vais vous demander, on l'est tous. Moi, je le suis très peu. Sincèrement, Et je le suis aussi un peu. Vous tous qui êtes au standard aussi, forcément, on a des moments où on l'est. Bon, Laure, elle, c'est, comment vous dire, c'est la PDG, c'est la Mark Zuckerberg de la jalousie. C'est, elle a créé le concept de la jalousie, comme l'autre a créé Facebook. C'est, à quel moment t'es très jalouse, toi, Laure? Ben, quand justement, on est dans une soirée que Juju dit qu'il est dentiste et qu'il y a toujours une fille pour dire ah, ben justement, j'en cherche un. Là, je suis un peu contente par rapport à la clientèle, mais un peu jalouse quand même. Pardon, je veux pas être, mais à la limite, je serais vraiment si je serais jalouse. S'il disait salut, c'est Juju, je suis un bon coup. Ah, bah justement, j'en cherche un. Là, je veux bien. Parce qu'il est dentiste. Ouais, mais je sais pas, ça m'énerve. Je j'aime pas. Bon, on bah est voilà. toujours content de connaître un dentiste, de pouvoir aller voir quelqu'un qu'on connaît pour se faire soigner les dents. Pauline, au standard. Et moi, je commence à être très jalouse là. Et j'avoue, j'ai fait un truc. J'ai tapé son nom et son prénom dans Google pour voir s'il avait pas une double vie de ses anciennes vidéos ou. Alors, je rappelle qu'il a, vous avez plus de 10 ans d'écart avec Willou la Cartouche, qui habite à. Qui habite à Bordeaux. Et alors, t'es tombé sur quoi, Clément? Non, mais c'est vrai que si tu prends une double vie, tu gardes le même prénom, évidemment. Non, il n'y a rien, pas un truc URSSAF, rien. Ah, il a eu un contrôle d'URSSAF? Enfin, en 1815, voilà. À l'époque de la Prohibition. Ça remonte. Je vais demander, alors, je vais pas être cliché. Donc, je vais prendre une fille au standard, tiens, on va prendre Amélie. Mais je vais prendre aussi un garçon. C'est normal, l'équité, la paix entre les peuples, ici sur Virgin Radio. On va prendre, tiens, Tom. Salut, Tom. Salut, les amis. Salut. Alors moi je suis pas jaloux, mais quand je vais au resto avec ma femme, je fais en sorte qu'elle s'installe dos à la rue pour pas qu'elle puisse croiser le regard de mec qui passe dans la rue à ce point. Alors moi je suis pas jaloux, mais il y a un truc, je suis en scooter, vous le savez. Je suis un peu jaloux, c'est quand ma chérie monte derrière et que tu vois le regard des mecs qui essaient de regarder, tu sais, en jupe. Bah jupe ou même robe, hein, longue, mais je veux dire, ils regardent un peu les jambes ou quoi, à côté au feu rouge. Franchement, ça m'énerve. Ah ouais, ça, ah, t'es très jaloux alors. Non, ça c'est le moment où ça. Parce que les garçons, si je peux me permettre, et je le fais pas sincèrement, les garçons souvent ont tendance à regarder une fille, même si elle est avec son chéri, ils s'en foutent. C'est comme si elle était seule, ils regardent. Comme ça, presque en mode bravo mec, hein. Bravo. Ouais. T'as tiré le gros lot, Jean-Louis. Mais tu sais, c'est pas poli, c'est pas du bétail quand même. Ma petite Pauline au standard. Mais justement, t'es pas fier que les garçons la regardent? Imagine, t'es avec une fille et que personne la regarde. Je peux comprendre ça, mais moi, je sais pas. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Ah non, franchement, je la trouve très jolie, ma chérie, mais j'ai pas envie qu'on la regarde comme ça et on dirait que. Tu sais, tu regardes le gars, tu dis oh, je suis là. Il n'existe plus, Clément. Après, je voulais juste faire flipper Tom. Si elle est donc dos à la rue, elle est face au serveur et au custo. Hein. Alors pour réagir à ça, tu vois, quand je choisis mon restaurant, je regarde pas la carte, hein, je regarde d'abord si les serveurs sont beaux gosses. Oh là là, très jaloux quand même. Jaloux, hein. Amélie, ma chérie, est-ce que toi déjà, juste comme ça, est-ce que t'es quelqu'un de très jalouse ou pas? Oh non, à peine. T'es quelqu'un de très jalouse ou pas trop jalouse? Non, je suis pas jalouse, mais franchement, quand il commence à me vanter les formes bombesques de Beyoncé, déjà ça me file des complexes, et quand je la vois en photo, je lui fais systématiquement des moustaches. Mais je suis pas jalouse, hein. Les moustaches sur la couverture des magazines. carrément. Ouais, ça marche toujours. Il y a ça et la dent noire, bien sûr. Ce sont les deux blagues qui marchent bien. Bah, oui. Oui, Laure. Bah, tu vois, t'as de la chance qu'ils fantasment sur Beyoncé. Je comprends, je trouve qu'il y a des raisons. Moi, ils fantasment sur Gwyneth Paltrow, qui a pas de forme. C'est la femme de Iron Man. Ouais. Voilà, qui a pas de forme, qui est donc blonde, grande et mince, le contraire de moi. Enfin, disons, là, ce qui m'inquiète, je comprends parce que je la trouve très belle aussi, vous n'avez pas le trop. T'es très belle aussi, mais alors vous êtes à l'opposé. À l'opposé. Ah, là, c'est... On peut pas faire plus. Ah, mais j'étais choquée quand tu me l'as dit. C'est-à-dire, je pense que tu ressembles plus à Clément Lincruste qu'à Gwyneth Paltrow. Il y a personne au monde à qui tu ressembles moins qu'au fantasme de ton match. Mais personne. Et je ressemble plus à Gwyneth Paltrow. Mais il fantasme la personne qui te ressemble moi au monde. C'est horrible, on est d'accord. Là je peux comprendre. Vous savez quoi, on lance un hashtag les amis. Ah. On lance le hashtag je ne suis pas jaloux mais. Okay. Vous êtes très jaloux, il y a plein de gens qui vont réagir. Mais même si vous ne l'êtes pas spécialement, on a forcément un petit truc. N'hésitez pas, on en reparlera avec vous dans l'émission je ne suis pas jaloux mais. Et puis on écoutera le son de DJ Snake, Let Me Love You sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, retour à un temps un peu plus calme dans le sud aujourd'hui. Il n'y a d'ailleurs plus aucune alerte météo en vigueur ce matin. La journée sera marquée par une alternance de nuages, d'éclaircies et de faibles averses. Prévoyez 21 degrés en moyenne pour cet après-midi. 14 500 foyers restés sans électricité hier soir à la suite des orages survenus dans la nuit de mardi à mercredi. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine, le Centre et les Pays de la Loire. Les techniciens sont à pied d'œuvre, retour à la normale prévue et espérée dans la matinée. Nouvelle mobilisation des opposants à la loi travail. Ce jeudi, des meetings et des manifestations sont prévus dans plus de 110 villes à travers le pays. Les syndicats de travailleurs, mais aussi d'étudiants et de lycéens, sont appelés donc à battre le pavé pour obtenir l'abrogation de la loi votée cet été. Les appels à la grève ont été lancés dans la fonction publique, notamment à La Poste, à Air France ou encore à France Télévisions. À propos de télé, tiens, c'est ce soir à 20h55 que sera lancée la nouvelle émission politique de France 2. Un nouveau prime de 2 heures, baptisé justement Émission politique, est présenté par David Bujadas et Léa Salamé. Des séquences rythmées, mais pas de duel habituel entre les grands ténors politiques. La SNCF a dévoilé hier l'Océane. C'est le nom du nouveau TGV qui reliera Paris à Bordeaux en à peine plus de 2 heures dès juillet prochain. Un TGV de 556 places, toutes équipées de prises électriques, prises USB et du Wi-Fi. L'Océane qui a été fabriqué dans l'usine Alstom de Belfort, menacée de fermeture. Il s'était proposé pour une action terroriste. Un jeune de 15 ans a été arrêté hier à Paris et placé en garde à vue. L'enquête se poursuit. Ce matin, c'est le troisième mineur interpellé en moins d'une semaine. Tous auraient été contactés par un Français membre de Daesh en Syrie via la messagerie cryptée Telegram. Et puis à l'étranger, le retour d'Hillary Clinton dans la campagne présidentielle. La candidate démocrate avait fait un malaise dimanche lors des commémorations du 11 septembre. Elle avait ensuite révélé souffrir d'une pneumonie. Elle doit donc dissiper les doutes qui pèsent sur sa santé pour conserver sa légère avance sur le républicain Donald Trump. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 8 novembre. Un petit rappel, Camille et Virgin Radio vous feront gagner 50 ans de loyer dans l'émission Virgin Tonic de ce vendredi matin. Tirage au sort demain aux alentours de 8h20. Restez joignables. En foot, belle soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon s'est imposé 3-0 sur Zagreb. Monaco a battu Tottenham 2-1. Lyon et Monaco en tête de leur groupe. Le club de la Principauté affrontera Leverkusen le prochain match. Lyon sera opposé au FC Séville. Aujourd'hui, première journée de Ligue Europa. Nice reçoit Schalke 04. Saint-Etienne va jouer chez les Allemands de Mayence. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Merci d'être avec nous les amis, c'est jeudi et oui déjà le 15 septembre, on est très heureux d'être là chaque matin, 6h, 9h, il est 7h passé de quelques minutes, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à cette heure-ci, c'est simple, hein. Ceux qui sont déjà partis au travail, ceux qui sont encore en train de préparer le petit-déj, de prendre la douche, de se préparer pour le collège, pour le lycée, l'équipe est là évidemment, oui. On parle avec vous de jalousie il y a un instant, réagissez, on lance le hashtag officiellement. Je ne suis pas jaloux, mais ouais, même si vous n'êtes pas jaloux, il y a forcément des trucs qui vous énervent. Moi, ma chérie, par exemple, dès que je fais rire une vendeuse, elle pose toutes les fringues qu'elle allait acheter. Normal. Bah oui, chez Zara, chez H&M. Juste, on rigole un peu avec une vendeuse, elle a 40 articles. Elle dit non, c'est pas ma taille, ça me plaît pas. C'est pourri, ce magasin. De toute façon, vous aussi, n'hésitez pas, réagissez. On parlera avec vous toute l'émission. 3916 pour nous joindre aussi. On a encore un iPhone à vous offrir. On a une tablette Polaroid à vous offrir. Ah, très, très belle tablette. Et puis, bien sûr, on a un loyer à vous offrir. 50 ans de loyer. J-1. Un mois de loyer, ça arrive à 7h20 comme chaque matin. Un mois de mensualité de crédit remboursé. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et c'est le même numéro. En vous inscrivant pour le tirage de 7h20, vous vous inscrivez aussi automatiquement pour les 50 ans de loyer. J'en viens même pas en le disant. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. 3 semaines que tous vos SMS vous ont permis d'augmenter vos chances d'être tirés au sort demain. Parce que ça y est, on est à 24h maintenant, 8h20 demain, de faire le plus gros chèque jamais fait par une radio en France. Pour les meilleurs auditeurs de France, 50 ans de loyer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Inscrivez-vous et le tirage au sort pour les 1 mois. Donc ça arrive dans quelques minutes. Le son de DJ Snake arrive aussi, je vous le disais. Et pour le moment, c'est la question de ouf. Question de ouf. Imaginez, vous avez un loyer de 1500 euros. Je vous ferai un chèque de 900 000 euros demain. Wow. Ouais, ouais. Presque un million. Quasiment 1 million, ouais. Bah ouais, wow. Ouais. C'est ça. Merci l'équipe. Oui. Mais non, mais symboliquement, c'est énorme. Tu te dis, ouais, je suis millionnaire. C'est incroyable, les amis. Franchement, c'est incroyable. Bien sûr, quand vous faites le chèque, vous le dépensez comme vous voulez. Hein. On n'est pas obligé de le dépenser mois par mois. Clément, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette question de ouf? Ah bah, la question de ouf, c'est une question qu'on vous pose et vous répondez. Elle va te parler, Camille, puisque tu fais rire les vendeuses apparemment. Quelle est la phrase type de vendeur? Vous êtes sûr que vous faites un 36? Parce que moi, j'irais plus un 38, voire un 40. Oula, oui, j'en ai, mais c'est pas le même prix. Hein. Va falloir sortir la carte bleue. Vous avez vraiment de la chance. C'est la dernière paire qu'il me reste de cette couleur et de cette taille. Alors, la phrase type de vendeur, c'est quand t'achètes des chaussures. Et est-ce que je vous mets le petit imperméabilisant qui va avec? Je peux vous parfumer avec la nouveauté? Je vous mets 2 échantillons. C'est vrai que ce haut, je le trouvais pas top, mais sur vous, il est magnifique. Ah, mais je l'ai plus en stock. Mais vous inquiétez pas, je vous le commande. Pour dans 3 semaines. Vous avez la carte du magasin? Vous êtes sûr de pas la vouloir? Non, parce qu'au bout du 17e article acheté, vous avez 5% de réduction. Question de ouf. Merci à vous tous, les amis, de jouer le jeu chaque jour pour la question de ouf. De retour demain à la même heure, bien sûr, sur Virgin Radio. On s'écoute DJ Snake. On revient dans 2 secondes. Bougez pas. This is Justin Bieber. This is DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Take gold through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Salut à tous et bienvenue, c'est jeudi, c'est Virgin Radio. Merci, merci, merci à vous d'être là tous ensemble. On se réveille chaque matin entre 6h et 9h sur Virgin Radio, côte à côte. Vous êtes peut-être pas bien réveillé, vous avez mis le pied gauche dans le chausson droit. Rassurez-vous, nous, on va prendre soin de vous. C'est moins grave que de rouler à gauche si vous devez rouler à droite. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Le chausson. Oui. Nous, on vous accompagne chaque jour. Laure, Clément, yes. Bonjour. La popo Coucou. Du standard, bien sûr. Pour nous joindre, c'est le 3916. C'est tout à fait ça. 3916. C'est le numéro que Laure n'a pas retenu quand même. C'est génial parce que Laure, si je la lance, le 3916, ça fait 3 ans qu'on fait l'émission. Elle connaît toujours pas le numéro pour nous appeler. Oui, il y a des petites choses comme ça que j'ai du mal à retenir. Mais bon, ça y est maintenant. T'as un problème avec les numéros, je crois. J'ai un problème avec les chiffres. Ouais. Ouais. T'as un problème avec les chiffres de l'argent que tu dois rendre aux gens. Essentiellement. Oui, Nico, tu parles. Pas de problème par contre sur les chiffres de son anniversaire, ça, il n'y a aucun souci. Ah, ouais. Si, sur l'âge quand même. Non, non, pas du tout. Laure, elle assume tout maintenant. Je me soigne. Elle est à quelques semaines, quelques mois maintenant de se marier, je peux vous dire. Là, maintenant, c'est une femme épanouie. Oui, Laure. Non, mais il y a un truc par contre que je ne retiens jamais, mais il n'y a pas moyen. Non. Non, non, c'est là où j'en suis dans mes séries. À quel épisode j'en suis. Ah, j'ai le même problème. Et du coup, très souvent, je re-regarde un épisode et au bout de 10 minutes, je fais. Mais. Ah ouais. Oui, je suis là. Ouais, mais il faut pas 10 minutes quand même. Hein. Ah bon, bah des fois, t'oublies un peu, quoi. Non, c'est genre, tu regardes le générique, puis à la fin, tu regardes le début, tu dis ah non, mince, c'est celui d'après. Ah non, encore celui d'après. Bah, moi, ça m'arrive de rester. S'il faut 10 minutes, c'est un vrai problème. Le numéro pour nous joindre. C'est 3916. Dis-moi, il y a un truc que tu retiens jamais. Ouais, toi aussi. J'ai un peu honte, c'est le nom des enfants de mes cousines. Parce que j'ai genre 7 ou 8 cousines. Mais maintenant, elles ont chacune 2 ou 3 enfants. Ah, c'est dur. Et comme je les vois pas forcément toujours régulièrement, je sais plus qui, quel enfant est à qui et les prénoms surtout. Donc tu leur parles, puis au bout de 10 minutes, comme Laure, tu te rends compte que c'est pas le bon enfant. Exactement. Je dis, il est où? Il vient manger 39-16 ou pas? Je mélange tout. Laure, le numéro pour nous joindre? Le 39-16. Bien sûr. Tiens, il y a Gabin qui est avec nous. Salut Gabin. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Salut l'équipe. J'adore, c'est la première fois que je parle à un Gabin, je trouve ce prénom. Mais oui. Ouais. Merci beaucoup. Ah, c'est très très joli. Gabin, il y a un truc que tu retiens jamais toi aussi? Ah ben, moi je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Je sais pas si ça vous arrive, c'est quand je vais garer ma voiture dans un parking, je mets toujours 4, 5, 10 minutes à la retrouver parce que je sais jamais où je l'ai garée. Ah ouais. Pareil. Mais maintenant ils font des couleurs, ils font des numéros, ouais, c'est assez bien fait. Ouais. C'est bien fait et t'oublies toutes les couleurs et les numéros. En vrai, je vous jure, ils ont vraiment amélioré ça, justement pour y a chaque étage a une ambiance et tu non, bah non, ouais. Tu ouais. peux pas en fait, tu n'y arrives pas. Hein. Pauline, moi ça m'arrive tout le temps avec mon vélo, mais une fois sur deux je me le suis fait voler. Ah ouais, donc, tu mets souvent dans un parking payant ton vélo. Non, mais j'ai plus le droit de le mettre dans la cour comme de ma concierge, on est très fâchés. Je le mets dans la rue et donc des fois je le mets à des endroits différents. Ah t'oublies dans la rue, ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est pas pratique. Mais non, c'est pas pratique. Mais la voiture, on retrouve pas, ou alors on sait pas pourquoi. Si vous rentrez pas, je sais pas si ça te le fait Gabin, mais vous savez, on sort d'un parking à un endroit et si par hasard vous rentrez pas par le même endroit, on a l'impression que c'est plus la même ville, que tout a changé, tu sais plus. Et t'es là, essayer de faire biper ton alarme là pour essayer de la situer à peu près, c'est un enfer. Oui Nico. Non mais non, ce qui est génial quand même, c'est quand tu veux te garer, justement t'as les petites diodes vertes ou rouges pour dire si la place est libre ou pas. Ça c'est quand même, c'est génial. C'est ça. Génial. Ah ouais. Non, mais ça c'est génial. Futur. Dans tous les parkings, maintenant en France, il y en a quasiment partout quoi. Ça c'est génial. Tu vois pas ce que c'est là? Si si, très bien. D'accord. Bah, tu avais un regard de quelqu'un qui sait pas ce que c'est. Le numéro pour nous joindre? C'est 3916. Céline, est-ce que toi aussi il y a un truc que tu retiens jamais? Salut ma belle. Salut tout le monde. Alors moi ce que je retiens jamais, c'est mes identifiants pour accéder à ma banque en ligne. Ah oui. Alors du coup à chaque fois qu'il y a des faux codes, je rappelle la banque, ils m'en font un nouveau. Donc j'ai une idée, j'en ai accès. Alors tu retiens pas les identifiants. Alors moi j'ai un truc qu'il faut surtout pas faire. Donc je vais vous donner une astuce à ne pas faire. Ouais. J'écris tout sur mon téléphone. Ah ouais. Dans les notes, là j'ai un iPhone et dans les notes je note tout. Il y a mes numéros de carte bleue, mes numéros de tout. Ok, merci. Non, mais, et c'est à surtout pas faire. Ah ouais. Mais voilà, il y a tout là. Donc c'est, je sais pas pourquoi je vous le dis, c'est un mauvais conseil. Et sinon là où je cache mon argent en espèces, il y a du tout à la radio. Oui, Nico du bureau. Non, moi je fais plus malin. Je me dis en fait, je mets le nom de la banque et je fais comme si c'était un numéro. Et en fait, c'est les 4 derniers chiffres, c'est mon code carte bleue. D'accord, si vous avez compris cette phrase, revenez vers nous. Mais en fait, je mets dans mon répertoire. Et en fait, mon code carte bleue, c'est un faux numéro en fait de banque, mais les 4 derniers chiffres, c'est le numéro de ma carte bleue. Comme ça, je m'en mémorise. C'est le truc le plus. Non, mais l'autre, c'est Jason Bourne, quoi. C'est le truc le plus compliqué au monde. Mais non. Les gars, mais t'es recherché par Interpol ou quoi? Mais qui a appris à faire ça? Mais même James Bond, il sera à côté de nous, il dira, mec, c'est un peu compliqué. Personne ne trouve sauf moi. Mais je suis sûr, même James Bond, faut pas le faire. Mais même James Bond, qui est le plus grand.

Impatient de vous offrir ça, les copains. Demain, à 8h20, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer, inscrivez-vous maintenant au 7-12-13. Code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. Justin au 88-000. Justin Timberlake, encore un hit. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N, au 88-000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88-000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Now. Le nouveau Felix Jean. Le nouveau The Chainsmokers. Broken Bash. Mike Perry. Virgin Radio. Rock. Electro. Tout de suite. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous, c'est le Virgin Tonic, chaque matin à vos côtés, jeudi 15 septembre, aujourd'hui, toute l'équipe va vous dire une bonne raison de vous réveiller avec nous le matin, alors. Mais parce qu'on est de bonne humeur et qu'on vous aime. Merci Clément. Mais parce que dans 24 heures, on vous paye 50 ans de loyer, oh, tout très simplement. Bien, Ginger. Parce qu'on est gentil. C'est mignon. C'est mignon. Pauline au standard. Parce qu'on est mignon aussi. Merci. Nico du bureau. Parce que même s'il fait pas beau, avec nous il fait beau. Merci. Oh, oh, il a flambé. Et toi. Il te casse toutes les ambiances. Quoi. Non, c'est vrai. Ah là là, je vous jure, c'est on est du soleil dans la radio. Merci de nous écouter malgré cette équipe. Vraiment, chaque matin, entre 6h et 9h. Et je sais que c'est aussi parce qu'on a le plus beau cadeau. On vous soigne vraiment chaque matin, 6h20, 7h20, 8h20. On vous offre un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Qu'on vous rembourse, il suffit de m'envoyer un texto, loyer au 7-12-13 par SMS. Vous laissez bien votre numéro de téléphone. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle en direct, en masqué, hein, c'est important chaque jour. Ouais. On vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Vous répondez, pardon, Virgin Radio, il n'y a pas de piège. Et c'est gagné pour vous, bonne chance. Yves n'a pas décroché il y a une heure, on n'a pas encore de gagnant ce matin. Oula, ça sonne. Allô, hein. Allô, allô. Oui. Bonjour, qui est là? Amandine. Amandine, bonjour, j'y peux te poser une question? Ah non, elle a raccroché. On est maudit. Amandine a raccroché. Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu. Et on n'a pas le droit de rappeler. Ah mais non, je vous le dis, j'ai lu les règles. Je crois que c'est peut-être une des premières fois où ça nous arrive. Très souvent que les gens s'inscrivent et malheureusement ne soient plus joignables au moment. On sait ce que vous vivez le matin, on passe sous un tunnel, on arrive, il y a une réunion tout de suite au boulot. Mais alors que les gens ne connaissent pas et qu'ils raccrochent avant la question. En plus, j'ai pas fait de blague. Non. J'ai vraiment dit, est-ce que je peux te poser une question? Bon, me raccroche. Aïe. Après, vous êtes au travail, c'est peut-être pas simple. Alors, je suis désolé pour Amandine. Il y a forcément quelqu'un qui l'aura reconnu là, à travers le téléphone. Elle s'inscrit pour le loyer. Amandine, malheureusement, c'est perdu. Je n'ai pas le droit de te rappeler. J'espère que tout va bien, déjà. Et puis, ma petite Amandine, toi qui nous as raccroché au nez, malheureusement. Et puis, vous tous, surtout, hein, qui vous êtes encore inscrits ce matin en espérant être à la place d'Amandine, rassurez-vous. Je vous rappellerai peut-être demain. Peut-être qu'Amandine nous raccrochera une nouvelle fois au nez demain. 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. J-1. 50 ans de loyer. 50 ans de loyer, c'est exceptionnel. Voilà, on prend votre loyer, votre mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, on la multiplie par 12 puis par 50. Voilà, 50 ans de loyer. Par exemple, vous avez un loyer de 720 euros, je vous ferai un chèque de 432 000 euros. Ah, énorme. Oh là là là là, c'est incroyable. Je vous fais un chèque de 432 000 euros. T'achètes quoi, Clément? J'achète la côte vendéenne, déjà. Non, ouais. C'est pas assez. Non, je crois que je m'achète une maison. Une maison, mais stylée, avec un toboggan, un truc de footballeur, quoi. Une maison de dingue. Je crois que je ferais pareil. J'adorerais avoir une maison. Que tu prends. J'adore avoir un toboggan. Ah ouais. J'adorerais avoir ça. Laure. Moi, je crois que je les place et je vis avec l'argent qui. Ah, ok. Super. Énorme kiff. Génial, on va s'éclater, quoi. Venez, les enfants, on va tous à la banque voir combien j'ai d'argent. On peut aller au Euro Disney? Non, on va passer l'après-midi au CIC. Vous allez voir, il me connaît, il adore et il va nous faire tous les trucs sur mes PEL et tout. On va s'éclater. Alors, c'était bien ton après-midi, Lily? Bah non, ma mère m'a encore amené à la banque. Elle est comme Picsou, tu sais, elle nage dans l'arrière de la banque avec les billets. Elle nage dedans. Oh là là là là, les amis, je vous souhaite bonne chance. Vous rendez compte, ça y est, c'est demain matin. Oh ouais. Demain matin, à la même heure, on sera sur le point de vous offrir 50 ans de loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Vous serez aussi peut-être le gagnant de 8h20 dans une heure. Ne faites pas comme Amandine. Répondez Virgin Radio et ce sera gagné pour vous. Et tout de suite, le pop rock électro qui vous aide à ouvrir les yeux. Virgin Tonic. C'est 21 Pilots qu'on écoute tout de suite. Vous l'adorez, nous aussi. Bon réveil, c'est Virgin. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you. But then you ignore them still. All these questions, they're falling. Like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Bon réveil à vous, jeudi le 15 septembre aujourd'hui. On est très heureux d'être là à vos côtés chaque matin avec toute l'équipe, bien sûr. Oui, oui, oui. On vous souhaite beaucoup de courage. Dans 7h30, dans quelques minutes à peine, ce sera un nouveau Flash Info. Que vous soyez en France, on a plus de 60 journalistes qui se réveillent près de vous pour vous donner les dernières 20 infos, vous dire peut-être si ça circule mal, si c'est le cas. Aussi avec les intempéries, il y a plein de France qui sont plein de régions, pardon, de France qui sont sous la pluie. Beaucoup, beaucoup de courage à vous et encore plus de prudence sur la route. Et puis juste après 7h35, un nouveau Réponse à tout, Clément. Comment on fait les bébés? Je l'avais jamais demandé. Ah, je sais. Et je... Oui, je sais. On aura la réponse, la vraie. Oh là là, les amis, si vous êtes des fidèles de l'émission, Laure, elle est tellement dans la gagne. Ouais. Oh, elle veut tellement savoir les trucs. Même une question qui n'en est pas une. Elle est maman quand même. Hein. Elle nous précise qu'elle sait comment on fait les bébés. Quelle catastrophe. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est le 15 septembre. Et il y a un truc qui est important quand même. N'oubliez pas, j'espère pas vous le rappeler, mais si oui. C'est le cas, je vous rends service. C'est le dernier jour pour payer vos impôts. Sinon, 10% de majoration. Ouais, allez-y, hein, c'est un peu relou de vous le dire, mais bon, je vous le dis quand même parce que je voudrais pas que vous oubliez Nico du bureau. Oui, puis c'est très compliqué en ce moment de joindre les impôts ou même d'y aller. Moi, j'essaie d'y aller et en fait, c'est surbondé. Tout le monde le fait maintenant en fait. Et comme j'ai déménagé, bah en fait, effectivement, je pense que je vais avoir des pénalités de retard parce que je suis toujours à la bourse sur ce genre de truc. Faites attention, 10%. Hein. Ouais, c'est énorme. Moi, c'est quoi votre excuse quand vous êtes en retard? Pas les impôts. Hein. Les impôts, il n'y a pas trop d'excuses. Un popo a eu des problèmes aussi l'an passé, je m'en rappelle. C'est horrible. Et là, normalement, je devais m'y mettre et j'ai rien fait. Ah, bah oui. Mais je vais trouver une excuse, je pense. Bah, je vais partir vivre très loin au Guatemala. Très très loin. Bah, non, mais ça, alors les impôts, non, mais il y a d'autres choses. Moi, par exemple, je sais que je suis tout le temps en retard. Mm-hmm. Ma nouvelle excuse, elle est géniale. C'est quoi? Ouais. Une nouvelle excuse de retard, elle est fantastique. Je mets tout sur Waze. Vous connaissez l'application Waze? Ouais, ouais, ouais. C'est comme Mappy, mm-hmm, c'est comme tout ça. C'est une application sur les smartphones, mm-hmm, qui permet de nous donner le chemin, ouais, mais très précisément. Et donc, chaque fois, je dis, bah, Waze s'est planté. Bah, qu'est-ce que tu utilises? Waze, ah ouais, c'est mon nouveau, mais c'est mon nouveau, ma chérie a pris du temps sous la douche. Je mets tout sur Waze, Clément. Moi, j'accuse toujours mon chien, alors que j'en ai pas. Mais les gens sont pas censés être au courant, mais je dis toujours, j'ai eu une vraie galère. J'ai dû le sortir, j'ai dû faire ça, et les gens trouvent ça mignon. Ah, je serais allé dire, mon chien m'a pas donné le bon chemin. Je vais la sortir maintenant. Ce serait bizarre. Tiens, qu'est-ce que vous aussi vous avez? On va se partager nos excuses. Ah. Oui. Pas nul, mais votre meilleure excuse là que vous sortez tout le temps pour être en retard, et ça va peut-être vous rendre service. Peut-être que vous ce matin là vous êtes en retard pour le boulot, pour le collège, pour le lycée. On va demander, tiens, à Rodolphe. Salut poteau. Salut à vous. Alors poteau Rodolphe, peut-être pas pour les impôts, hein. Attention, ça marchera peut-être pas. Mais est-ce que toi aussi t'as une excuse type quand t'es en retard? Ouais, complètement. En fait, j'ai raconté il y a pas très longtemps que j'avais crevé et du coup, bah forcément, j'étais en retard. Et pour crédibiliser le truc, j'ai touché le pot d'échappement de façon à parler. Ah bien, bien. Pas mal. Et c'est passé nickel, c'est passé nickel. Oh non, mais attendez, là les gars, on est un professionnel. Non mais attendez, moi je croyais qu'on était là pour se marrer. Là, on tutoie les étoiles. Ah, excusez-moi, là, mais bon, putain, excusez-moi les mecs, mais là on a un pro, quoi. T'as un gars, il crève, il touche le pot pour mettre du cambouis. Ça. Mais c'est un génie qu'on a, là, les gars. C'est un génie du mal, là, les mecs. Bon, quand je parle à Rodolphe, je croyais avoir un gars au 3916 qui me dit, ouais, je suis en retard, je dis que ma femme est à la bourre. On parle un génie, là. Rodolphe, t'es un génie, mon pote. Tu t'en rends compte ou pas? Il paraît. Mais mec, mais t'es un génie. Non, mais attendez, les amis, j'y avais pas pensé. Parce que moi, je suis arrivé, je dis, ouais, j'ai crevé. Mettre le truc sur le pot. Mais attendez, là, les mecs. Mais oh, c'est le Zidane de l'excuse, là, les gars, Clément. Moi, j'aurais été encore plus con. J'aurais vraiment crevé un pneu pour dire, ah, bah, tu vois. Mais voilà, effectivement, c'est un génie. Rodolphe, tu sais que je fais l'idiot, mais c'est magnifique. Ouais. C'est génial. Oui, Laure. Alors, c'est super, j'ai plus simple, moi. Moins salissant. Ouais. En fait, tu changes dans ton iPhone l'heure du rendez-vous. Moi, je mets, par exemple, j'avais rendez-vous à 15h, je mets 15h30 et j'arrive, je fais, bah, moi j'avais noté 15h30, regarde. Et puis bah. Mais t'es un génie! Mais attendez, mais moi je parlais à l'heure, je crois que c'était une coanime. J'ai un génie sous les yeux, personne me le dit, les gars! Là. Je sais pas pourquoi cette voix de génie. Je sais pas pourquoi cette voix de génie. Pas du tout. Rodolphe, mon pote! Ouais. On va continuer de parler de ça avec vous, les amis. Vos meilleures excuses. On va renommer la radio même. Radio Mytho. On va faire une radio Mytho. Vos meilleurs mythos pour arriver en retard. Reste avec nous, mon Rodolphe. T'es mon génie, là. T'es mon poulain, là. Reste dans le coin, mon grand. On va s'écouter un peu de Pop Rock Electro. Manzel Merlov, il est pas en retard. Il va arriver dans un instant. Ne bougez surtout pas. On fait juste un point sur l'actu. On revient. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, il n'y a plus aucun département en alerte. Ce matin, c'est le signe d'une certaine accalmie, même si les averses resteront très présentes aujourd'hui, avec des orages sur les Hauts-de-France et la Normandie. Vous aurez 22 degrés cet après-midi à Paris, 23 à Lyon et à Marseille, et 24 à Nice, 27 en Corse. La Corse, où l'on pourrait connaître dès ce matin le sort réservé au procès de la rixe de Cisco, c'était cet été. L'audience devait débuter cet après-midi à Bastia, mais les avocats de la famille marocaine impliquée dans l'affaire ont demandé le dépaysement du procès sur le continent. Trois frères marocains et deux villageois corses seront jugés pour violence en réunion. Ce sera la 14e et peut-être la dernière manifestation anti-loi travail. Les syndicats de travailleurs et les organisations de jeunesse appellent à la mobilisation aujourd'hui contre le texte voté cet été. Plus d'une centaine de manifs sont prévues sur tout le territoire. Des appels à la grève ont aussi été lancés à la SNCF, à Air France ou encore à la Poste. De son côté, l'intersyndicale d'Alstom invite tous les salariés du constructeur ferroviaire à débrayer le mardi 27 septembre. Elle réclame le maintien de tous les sites d'Alstom en France et la préservation de tous les emplois, notamment à Belfort, menacés de fermeture, ainsi que la fin des délocalisations. Les mordus de politique ne manqueront pas à la nouvelle émission de France 2 ce soir à 20h55. Nouveau rendez-vous tous les 15 jours, baptisé Émission politique et présenté par David Pujadas et Léa Salamé. Dans un autre registre, l'arrivée aujourd'hui de la nouvelle chaîne Elle pour les femmes de 18 à 49 ans, Canal 45 de Canal Sat. Puisqu'on évoque la télé, c'est Sofia Vergara, la star de la sitcom Modern Family, qui reste pour la cinquième année de suite l'actrice de télé la mieux payée au monde. 43 millions de dollars empochés l'an dernier, selon le magazine Forbes. À 44 ans, l'américano-colombienne Sofia Vergara a gagné plus d'argent que toute star masculine du petit écran. L'actu jeu vidéo, pas mal de sorties sport cette semaine. D'abord pour les footeux, la sortie de PES 2017 avec des mouvements plus fluides. Ça sort aujourd'hui sur Xbox One, PS4 et PC. Si vous êtes plus basket, NBA 2017 dispo dès demain sur PC, PlayStation et Xbox, et puis du hockey aussi avec NHL 17 sur PS4, Xbox One. Pour plus d'infos gaming, vous le savez, la revue Jeux Vidéo Magazine. En foot, première journée de l'Europa League. Deux clubs français opposés à deux clubs allemands. L'OGC Nice face à Schalke 04 ce soir à 21h05. Et l'AS Saint-Etienne attendu dès 19h sur la pelouse du FSV Valence. Hier, belle soirée pour les clubs français engagés dans la prestigieuse Ligue des Champions. Lyon et Monaco ont tous les deux remporté leur match. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Merci d'être là les copinous, merci d'être là chaque matin plus nombreux à nos côtés. Vraiment courage à ceux qui sont encore à la maison, peut-être en train de préparer le petit-déj. Voilà, à 7h33 en tout cas, je sais que vous êtes aussi très nombreux déjà sur la route pour déposer les enfants à l'école, peut-être dans les transports pour partir bosser. Cette radio a été officiellement renommée Radio Mytho. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout 50 ans de loyer à vous offrir. Non, évidemment, non, je blague pas du tout. C'est un très beau cadeau qu'on vous offre demain. Radio Mytho, si vous nous rejoignez, c'est qu'on était en train de partager les meilleures excuses de retard. On a Rodolphe qui est juste pas un génie quoi. Je pensais avoir un auditeur au téléphone comme on en a tous les matins au 3916 et là on vient de me passer un génie parmi les génies quoi, le meilleur de tous. Le gars t'aurais pu jouer dans Aladdin. Je frotte une lampe demain, tu vas sortir de la lampe tellement t'es un génie. Puisque au standard Rodolphe nous appelle, on partageait les excuses les plus nulles pour arriver au travail. Moi je disais Waze, on a de changer l'heure du rendez-vous dans le téléphone. Et Rodolphe il dit moi je dis que j'ai crevé un pneu. Ouais. Donc, ok, cool. Je dis, ouais, ok. Mais il me dit, mais ce que t'as pas compris, c'est que je crève pas vraiment. Et je mets le doigt dans le pot d'échappement et je fais genre, regarde mes mains. Ouais. Et là, là, on tutoie les étoiles, quoi, les mecs. Ouais. Mais là, c'est un pro, les gars, on est où, là? Oui, non. Je vais juste me permettre un petit conseil pour empêcher les gens de se brûler, parce que c'est très chaud, un pot d'échappement. Moi, je remettrais plus les doigts sur les jantes. Parce que le pot d'échappement, c'est chaud, hein. Je vais dire un truc, tu mets un peu tes doigts où tu veux, Laurent. Oui. Cela ne nous regarde pas. Évidemment. Fanny, ma chérie, est-ce que toi aussi, t'as une excuse pour arriver en retard? Peut-être qu'à l'heure qu'il est, je sais qu'il y a plein de régions sous la pluie, vous êtes un petit peu en retard, ça va vous servir sans doute. Salut Fanny. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Alors moi, ouais, j'ai une excuse qui marche à tous les coups, c'est ma fille vient de me vomir dessus, ça pue, il a fallu que je me change en quatrième vitesse, donc désolée pour le retard. Mais en général, ça marche parce qu'ils me remercient de ne pas être venus avec ce vomi sur moi qu'ils auraient rendu malade. Donc voilà, ouais, ça ouais. Marche bien. Ça marche bien sur les jeunes parents, voilà et tout. Tu peux pas mettre la peau d'échappement pour te mettre du vomi dessus pour trouver que c'est vrai. C'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Oui, Laure. Ouais, mais de toute façon, tu dis le prénom de ton enfant, tu commences une phrase par ça, ça marche. Quoi que tu dises derrière, ça marche. Ah bon, essaie pour voir. Ouais, non, mais attends, c'est parce que Ellie. Ça marche pas, hein. C'est qu'on l'a trop entendu, en fait. En fait, non, le problème, c'est qu'elle veut essayer, mais elle a pas le mytho derrière. Donc, mais non, mais c'est parce que Ellie. Bah ouais, quoi. Oh là là, Pauline au standard. Moi, je faisais ça, je trouvais l'excuse et je disais parce que Kina. Mais les gens sont pas censés savoir que c'est un chat. Donc je faisais passer pour mon enfant. Ah, et d'accord. Oui. Quand tu trouves l'excuse même de ta chatte, c'est un peu autre chose. Oui. Ouais, ouais, mais il me reste plus que ça. Rodolphe. Ouais. Salut mon génie. Hein. Ouais. Tu vas me manquer. Hein. Ouais, on se retrouve bientôt, j'espère. Ouais, j'espère aussi, mon pote, près d'un pot d'échappement. Je t'embrasse, mon Rodolphe. Des bisous à toi et bisous à ma petite Fanny aussi. Les copains, avant d'écouter Manzel Merlove, c'est tout de suite, c'est le réponse à tout de Clément Lacroix. Réponse à tout. Le réponse à tout, Clément descend dans la rue et pose des questions uniquement aux enfants. Une belle question aujourd'hui, je sais, Laure, elle a la réponse, mais ne dis rien. Comment on fait les bébés? Comment on fait les bébés? Je sais, mais je vais pas le dire. Voilà. Comment on fait alors? On fait l'amour. Ça veut dire quoi? Ben, t'embrasses l'autre. T'embrasses l'autre? Oui. Ok. Voilà. Toi, tu sais ou pas? Oui, mais je préfère pas le dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. T'as pas envie? Et il y a une histoire de petites graines. On les trouve où ces petites graines ? Dans le ventre. Dans le ventre de qui ? Mais de la maman. Et comment on l'a fait ? C'est ça la question. Comment on fait cette graine ? J'ai fait l'amour. Quand on est enceinte, ça dure à peu près combien de temps ? 15 jours. 15 jours enceinte ? Ouais. C'est pas trop fatigant ? Toi, tu dirais combien de temps ? 4. 4 jours ? Oui. Et toi ? Un mois. 3 mois. Ça dure 3 mois ? Bah oui. Mais quoi ? J'en ai jamais fait, moi. Et est-ce que... Des fois, il y a les garçons qui peuvent avoir un enfant. Non. Pourquoi les garçons, ils ont souvent un gros ventre ? Parce qu'ils boivent de la bière. Réponse à tout ! Parce qu'on a réponse à tout ! Merci les enfants. Prochaine réponse à tout demain, exactement à la même heure sur Virgin Radio. Manzel Merlove, Should I've Gone Home. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil à vous. Should I've Gone Home. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. Sur Virgin Radio, merci d'être là, en voiture, peut-être encore sous la douche. Le Virgin Tonic à vos côtés. Le Virgin Tonic, c'est quoi? C'est le pop rock électro que vous aimez. Martin Solveig. Everybody, voilà un morceau voilà, qui va vous aider à ouvrir les yeux ce jeudi. Ça me fait très très très plaisir. J'espère que vous allez bien. L'équipe, ça va? Oui. Et je suis heureux, vraiment. Attention, hein, vous qui êtes dans le bus, peut-être du côté de Vire, sur la ligne 1, entre les Mancelières et le Maupas. Oui, ah oui. Ça bouchonne des fois là-bas. Je sais, tous les jours, je cite une ligne de bus ou une ligne de TER. Et bien aujourd'hui, c'est du côté de Vire, les amis. Je suis très heureux parce que, voilà, il y a quelqu'un qui fait son grand retour dans l'émission. C'est notre troisième saison, vous le savez, grâce à vous, parce que vous êtes si nombreux à nous rejoindre chaque jour sur Virgin Radio. Et on ne l'avait pas encore eu depuis la rentrée. Mm-hmm. Je crois que c'est un de mes préférés. Vraiment, je l'adore. Il a son jingle, il va vous permettre dans un instant, on va tirer au sort de gagner un très beau cadeau. C'est le grand retour de Francis Lavanne, les amis. Voici Francis Lavanne. Salut. Voici Francis Lavanne. Hey. Voici Francis Lavanne. Hey. Hey. Voici Francis Lavanne. Salut les amanches. Salut. Comment que ça va bien? Voilà. Derrière cette tête, on va vous filmer, on va mettre les vidéos hein, en ligne sur nos réseaux sociaux. L'humour, la perruque et la musique réunis en une seule personne, c'est Francis Lavanne. Francis va vous chanter des blagues sur les génériques télé. et vous devrez retrouver de quelle émission il s'agit. Entre le rire et la blague, il est là, il est sur un fil, quoi. C'est Francis Lavanne. Exactement, pour des blagues bien cossues, Francis Lavanne, bien entendu. Bien sûr. Oh là là, je suis content. Vous avez fait une belle croisière Costa, il paraît. Vous avez bossé tout l'été. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous voulez un petit exemple, tiens? On a un exemple. Bah, attendez, on va le faire découvrir à Léonie qui a la chance d'être tirée au sort. Salut Léonie. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Bonjour ma belle, tu viens d'où? À côté d'Agen. Très bien, alors ma petite Léonie, t'es chez toi ici, tu le sais, c'est ton émission, c'est la vôtre. Tu vas peut-être repartir avec une tablette tactile Polaroid. Très beau cadeau avec les haut-parleurs qui vont avec, tout ça. Et pour ça, il va falloir que tu retrouves le générique télé. Un petit exemple là, c'est juste pour se chauffer, de Francis Lavanne. Allez, c'est parti. Avec quoi ramasse-t-on la fourche? La papaye. Je suis inversé. Oh là là. Hey, olé. Elle est bonne ou pas? Alors voilà, déjà, voilà. La vaseuse. La vanne est nulle. Bah alors la vanne inversée, elle est encore plus nulle. Je suis trompé. Francis Lavanne, ça démarre bien cette histoire. Allez. Des blagues sur des génériques télé. On se concentre. Léonie, il faut que tu aies au moins deux bonnes réponses. Ouais. D'accord, okay. Ma belle. Allez, on y va, c'est parti. Jouez aussi, vous qui êtes en voiture, c'est parti. Premier extrait de Francis Lavanne. Lavanne dans l'ordre, hein, cette okay, fois. Voici l'histoire d'une maman nuage, accompagnée de son fils petit nuage. Tout d'un coup, le petit nuage lui dit: maman, faut qu'on s'arrête, j'ai envie de faire pluie. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est ouais, tellement mignon. D'habitude les blagues, Laure les comprend pas. Alors j'ai pris un peu plus Merci, putain, merci. Oh non, vraiment, j'aime beaucoup cette blague. Ah bah très bien. Bon, j'ai le rire facile, mais j'aime beaucoup. Et alors je rappelle, hein, c'est le générique télé sur laquelle elle est chantée qu'il faut retrouver. Léonie, est-ce que tu as une idée? Alors là, pas du tout reconnu. Alors là, t'es dur, ma chérie, parce que quand même, là, je vois sur les réseaux, il tout le monde a reconnu. C'est un vieux jeu de François, c'est des chiffres et des lettres, ma chérie. Ah ouais, mais c'est pas de mon âge. Ah bah pas de ton âge, mais tout le monde connaît, c'est le plus vieux jeu télé de France. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Mais c'est pas la plus vieille émission de France. À 22 ans, on regarde pas ça. Hein. Ah mais ouais, mais on connaît quand même. Est-ce que c'est pas le plus chiant aussi? Ouais, je le pense. Allez, Léonie, t'as plus droit à l'erreur. Il te reste deux extraits de Francis Lavanne, des blagues sur des génériques télé. À toi de reconnaître le générique. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qui est de couleur jaune et qui a plein de poils? Réponse, une tartine beurrée tombée sur la moquette. Oh non. Blague, le petit déjeuner. Bon réveil à tous. C'est Fort Boyard. Oui, et voilà. C'est Fort Boyard, exactement. Très très bien, ma chérie. Attention, si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, c'est le Francis Lavanne Game. Des blagues sur des génériques télé. Léonie, tout se joue là. Tu retrouves ouais, le dernier. Facile, hein. Ah ben on va voir. Tu retrouves le dernier, ma petite Léonie. C'est gagné pour toi. Sinon, ce sera perdu. On y va. Dernier extrait de Francis Lavanne. C'est une dame qui demande à une vendeuse de vêtements: est-ce que je peux essayer cette robe dans la vitrine? La vendeuse lui répond d'un air un peu surpris: vous ne préférez pas l'essayer dans une cabine? Eh ben, c'est Motus. C'est Motus, bonne réponse. Oh là là là là, bonne réponse, bravo Léonie, je suis très heureux de t'offrir ta tablette tactile Polaroid Pure 10.6 pouces, haute définition avec les deux haut-parleurs. Ah bah ça tombe bien, en plus la mienne était cassée. Eh bah très bien, bah je suis ravi ma petite Léonie, on te l'envoie tout de suite du côté de chez toi. Et puis merci à Francis Lavanne. Ah, galéja de humour, Francis Lavanne pour toujours. Oh là là. Bien sûr. Revenez plus souvent Francis, on vous voit pas assez. Ah bah écoutez avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Entre deux croisières, hein, du coup. Bah, n'hésitez pas, entre deux croisières. Martin Solveig tout de suite, everybody, vous êtes dans le Virgin Tonic, merci de nous avoir choisi. Everybody knows

Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. On est arrivé. Tu descends, chérie, je vais chercher une place. Smart4Two. Garez-vous enfin, là où vous allez. Smart4Two 45 kW pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur SFR.fr. Nouveauté. Virgin Radio. Moi, sans vous. Unis à vie pour le meilleur et le bonheur qu'on s'est promis. Moi, sans nous, qui peut dire qui je suis, quelqu'un ici, un autre ailleurs. Quelle est ma vie? J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. Les amis, l'émission qui continue, bien sûr, jeudi 15 septembre, aujourd'hui, l'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Dans un instant, un point sur l'actu. À 7h55, ce sera à 8h, et puis à 8h05, juste après, la question de ouf. Quand vous laissez vos messages sur notre répondeur, on découvrira tout ça dans un instant. Mais avant, vous qui êtes en voiture, vous qui êtes encore à la maison, vous qui êtes sur le point d'arriver au collège, au lycée, dans le bus, on a lancé un hashtag. Oui. La France entière se mobilise. Ouais. Je ne suis pas jaloux, mais... Oui. Ouais. C'est-à-dire que il y a des gens très jaloux. Et alors ? Il y a des gens pas trop jaloux. Il y a moi, il y a des gens normaux comme vous tous. Mais quand même, on garde tous un petit côté jaloux, Clément. Et puis il y a des gens qui n'ont pas l'occasion d'être jaloux comme moi, mais j'ai un pote en revanche, il est super jaloux. Je sais pas si ça vous le fait à chaque fois que sa copine change de photo de profil. Normal. C'est en mode tu veux du like, tu veux attirer des personnes quoi. Tu veux du like, je vais t'en donner. Ah carrément. Dès qu'elle change la photo. Ah ouais non, il est jaloux ton pote. Bah non mais quand tu changes la photo après des fois. Ne me reprends pas. Ok. Et des fois elle est en maillot de bain. Ne reprends pas. Oui alors. Moi je suis pas jaloux, je suis amoureuse, excusez-moi. Oh c'est beau ça. Ouh la belle vie. Sans amour, sans souci, sans problème. C'est beau ça. Je ne suis pas jalouse, je suis amoureuse. Bah oui. Très belle phrase, Laure. Oui, Clément. C'est une belle phrase qu'on voit souvent au cinéma quand on est devant le juge, en fait. Ouais. C'est quand même bizarre. C'est vrai. Oui, Pauline, au standard. Non, mais c'est que tu sais pas. Quand tu changes ta photo de profil, c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi que ce soit, hein. Mais il se passe quelque chose. Tu la changes pas pour rien. C'est tout un travail, c'est une réflexion, c'est assuré et certaine. Ouais. Ok, bon, les filles, ok, c'est important. Non, mais là, vous savez quoi, j'apprends des choses sur les femmes. Quand il y a un changement de photo de profil, c'est qu'il y a une volonté de changement. Ah oui. À quel moment vous êtes un peu jaloux, même si vous ne l'êtes pas énormément dans la vie? On a Nicolas, tiens, au téléphone. Salut Nico, 3916. Salut Camille, salut toute l'équipe. Alors salut. Moi je suis pas du tout jaloux. Par contre, quand on sort avec ma copine, je fais toujours en sorte d'instaurer un petit périmètre de sécurité sur la piste de danse. Hein. On sait jamais, pas de contact, rien du tout. Faut être tranquille quoi. La piste de danse, c'est un terrain de chasse. Ouais. Ah, bah, ah oui, ouais. La piste de danse, c'est un terrain de chasse. Ah, il y a eu des problèmes, il y a eu des antécédents, alors je fais gaffe. Ah. Bah non, mais c'est vrai. Par exemple, quand on va chasser, ouais. Moi je suis pas du tout chasseur. Et quand on va chasser, on met un gilet pour être sûr, machin. Je trouve qu'une femme qui est en couple devrait danser avec un gilet jaune, un gilet de sécurité. Pour montrer aux autres gens sur la piste, attention, la dame est en couple. Est-ce que j'ai raison, Nicolas? Tout à fait, non, je vais le faire, je pense. Dès samedi, là, je vais faire ça. Ouais. Et qu'on soit clair, ce n'est pas mature, je pense que les hommes aussi, on devrait avoir un gilet, comme quand on tombe en panne sur la route, un gilet jaune fluo pour dire attention, personne non célibataire. Je trouve que ce serait normal. Oh. Oui, Pauline. Non, mais ça sert plus à rien de sortir. Sortir, c'est aussi se faire sortir, désirer. C'est tromper son mec. Mais super. Non, pas forcément. À quoi ça sert de sortir si on peut pas coucher avec d'autres gars? Non, j'ai pas dit. Il y a des gens ça. Qui sortent pour faire. Tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Je m'adresse le dis à William. Je m'adresse à William, le mec de Pauline. Oui. Willou. Willou la cartouche. Willou la vieille branche. Ouais. Willou la vieille branche. La petite, elle a 10 ans de moins que toi, mon Willou. Fais-toi du souci. Non. Si. Quand elle veut sortir pour rencontrer d'autres mecs, c'est normal ça? Non. Willou, ma vieille branche. Faut qu'elle fait partie de la 4e d'infanterie. Toi qui étais là quand les Américains ont débarqué. T'étais le premier à les accueillir, là mon pote. Méfie-toi de la petite. Oui, Pauline. Il dit qu'il est fier quand il me voit en train de me faire draguer. Parce qu'il sait que je vais pas le tromper. Je l'aime. Non, c'est pas qu'il est fier, c'est qu'il est content avec la catarate. Dès qu'il te voit, il est content. C'est peut-être ça. Si, mais bien sûr. Victoria, ma chérie, à quel moment t'es un petit peu jalouse, toi? Salut, ma belle. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Alors moi, je suis pas jalouse, mais je trouve ça trop bizarre quand il insiste pour laisser un pourboire à la serveuse. C'est bizarre, non? C'est la politesse. Mais n'importe quoi, 2 euros en plus, 2 euros. Ben non. Non, attends, je vais laisser quand même 20 euros de pourboire à cette charmante serveuse que j'ai trouvée super. D'ailleurs, même si vous avez quoi que ce soit, je vous laisse mon numéro de portable parce que je sais qu'il y a plein de soucis avec les serveuses. Oui, non. Non, mais laisser un pourboire, c'est normal. Par contre, moi, quand il rigole un peu trop avec la serveuse, j'avoue, ça m'énerve aussi. Voilà, c'est ça. Oui, ça, je peux comprendre. Mais le pourboire, c'est normal. Ah, le pourboire, c'est normal. Non, oui, Pauline. Il y a laisser un pourboire et laisser un pourboire. S'il laisse dans la petite note à la fin, ça va. Mais s'il lui met, par exemple, dans son petit tablier ou quelque chose comme ça, bon, là, mais ça va manger où elle? Tu parles de laisser la monnaie dans son petit tablier, mais il t'amène où manger Willou, sans déconner? Mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est pas possible! Non, mais parce que par exemple, je suis. Combien il a laissé la dernière fois de pourboire? 10 francs, 20 francs? Regardez avec une feuille! Là, prends de sesterce, tavernier! Serre-moi à boire! C'est Willou la vieille branche! Oh là là, Victoria, je t'embrasse très fort! Merci aussi à Nico d'être avec nous! Merci à vous tous d'être là au standard 8h tout pile, 5 points sur l'actu, bien sûr! Je voudrais que tous nos journalistes, ils sont plus de 60 en France, démarrent avec bonjour à tous les infos, aussi pour Willou la vieille branche, le mec de Pauline. Et tout de suite, c'est Kung sur Virgin Radio, excellent réveil. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous et salut à Willou la vieille branche. C'est bien, il l'a fait. Retour à un temps un peu plus calme dans le sud aujourd'hui. Il n'y a d'ailleurs plus aucune alerte météo en vigueur. La journée sera marquée par une alternance de nuages d'éclaircies et de faibles averses. 21 degrés en moyenne cet après-midi. Ce matin, il y a environ 7000 foyers encore privés d'électricité dans le sud-ouest. Les techniciens d'Enedis, ex-ERDF, prévoient un retour à la normale en début d'après-midi. Les orages marqués par 70 000 impacts de foudre ont privé d'électricité jusqu'à 120 000 foyers. Les syndicats demandent toujours l'abrogation de la loi travail. Ils seront une nouvelle fois dans la rue aujourd'hui partout en France. Des meetings et des manifs prévus dans plus de 110 villes à travers le pays, avec aussi des appels à la grève lancés à la SNCF, à Air France ou encore à La Poste. Défilé à 14h à Paris, de Bastille à République. C'est toujours l'incertitude sur la tenue du procès de la rixe de Cisco. L'audience devait débuter à 15h cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia. La cour devait entendre les protagonistes présumés de la bagarre qui avait éclaté le 13 août en Corse. La famille marocaine impliquée dans le dossier a demandé demander le dépaysement du procès hors de l'île. Le parquet pourrait se prononcer dans la matinée. La SNCF a dévoilé hier l'Océane, c'est le nom du nouveau TGV qui reliera Paris à Bordeaux en à peine plus de 2 heures dès le mois de juillet prochain. Un TGV de 556 places, toutes équipées de prises électriques, prises USB et du Wi-Fi. L'Océane, qui a été fabriqué dans l'usine Alstom de Belfort, menaçait de fermeture. Hillary Clinton, de retour dans la campagne présidentielle aux États-Unis. La candidate va devoir dissiper les doutes sur sa santé après un malaise survenu lors des commémorations du 11 septembre. Elle avait dû alors révéler souffrir d'une pneumonie cachée à tout son entourage. Après Taïwan, le typhon Meranti frappe ce matin la Chine. Des vents jusqu'à 170 km/h en rafale et déjà de nombreux dégâts. Des pannes de courant et la circulation des TGV suspendues. Les autorités chinoises demandent à la population de rester chez elle à l'abri. Un petit rappel, Camille et Virgin Radio vous feront gagner 50 ans de loyer dans l'émission Virgin Tonic de ce vendredi matin. Un tirage au sort demain, donc aux alentours de 8h20. Un petit conseil, restez bien joignables. En foot, belle soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon s'est imposé 3-0 sur Zagreb. Monaco a battu Tottenham 2-1. Lyon et Monaco en tête de leur groupe. Aujourd'hui, première journée de la Ligue Europa. Nice reçoit Schalke 04. Saint-Etienne va jouer chez les Allemands de Mayence. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec Virgin Radio. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Belle matinée à vous tous, 8h03, vous êtes sur Virgin Radio, jeudi 13 septembre aujourd'hui. Courage à tous ceux qui sont en voiture, courage à ceux qui ouvrent là tout juste leur magasin à 8h aussi. Merci de mettre Virgin Radio. Bah oui, ah oui. On adore être chez les fleuristes. Oui. On adore être chez les bouchers. Oui, on est chez mon boucher d'ailleurs. On est chez ton boucher ? Oui, on les embrasse, ouais. Et on l'embrasse. Salut à tous et bravo. Et je vais vous dire un truc de boucher de l'or. Il est... Bravo le veau. Bravo le veau. Il fait quelle promo en ce moment? Il y a des promos sur quoi? Ah, je ne sais pas, je vais aller voir tout à l'heure, écoute. Ah, pourtant, tu ne sais pas quelle promo il y a. Ça m'étonne. Sur les merguez. Ça m'étonne. Hein. Oui, Pauline, au standard. On est au Franprix, place des Capucins à Bordeaux. C'est vrai? Ouais, ma mère, elle me disait, c'est génial, je fais les courses et je vous entends. On embrasse le Franprix de Bordeaux. Merci, voilà, toutes les boutiques, en tout cas, qui mettent Virgin. Et pour vous remercier de cette fidélité, d'être si nombreux chaque matin. Dans un instant, je vais vous payer votre loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est aussi pour les 50. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. On va écouter Kungs dans un instant. Cool. Oui. Et puis, je voudrais vous parler d'une info. Ouais. Je vais parler d'une petite info, les amis, que je viens de trouver sur le site LCI. Ouais. En Caroline du Nord, une enseignante de maths a eu une idée pour que ses élèves soient plus concentrés en classe. Ok. Oui. Donc là, il y a plein de gens, là, ils vont rentrer en cours. Vous êtes peut-être encore en train de déposer vos enfants. Il y a une solution pour qu'ils soient plus concentrés. Ouais. Elle a fait installer des mini-vélos sous les bureaux. C'est génial. Ça permet aux élèves de canaliser leur énergie sur une activité sportive, arriver à mieux se concentrer. Et pour info, un des élèves a fait 9 km avant la cloche de 10h. C'est trop génial. Incroyable. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. À 10h à peine, elle fait 9 km. Oui, Laure. Ça serait trop bien qu'on fasse ça. Peut-être qu'on pourrait être concentrés, nous aussi, du coup. Et puis en plus, ça, les enfants, ils se dépensent. Bah ouais, c'est génial. Moins de bêtises, moins de trucs. C'est bien, avec du sport, pas n'importe quoi. Oui, Nico du bureau. Après, en même temps, l'odeur des salles de classe, c'est pas la même. Ah, en oui. termes de transpiration et tout. On va où là? Dès qu'il y a une solution, on se fait taper dessus là. C'est quoi cette histoire? Oui, Clément. Ce serait une énorme excuse quand quelqu'un qui sort de sous le bureau du patron de dire je réparais le vélo. Pas mal ça. Pas mal du tout. Les amis, 8h06, vous savez ce qu'on fait? Non. On écoute la question de ouf et après je vous l'ai dit, on met du Kungs sur Virgin Radio. Question. Question de ouf. Virgin Tonic. Kungs, il est d'Aix-en-Provence, je vous l'ai dit. Ben oui, bah oui, je le sais. 300 fois. Oui, ouais, c'est vrai. Il s'appellerait pas Valentin. Exactement, Valentin. Et il a 19 ans, mais depuis 2 ans, je crois. Non, il a vraiment 19 ans. C'est parti, Clément. Quelle est la question de ouf aujourd'hui? Comme on est très écouté dans les boutiques, on vous a demandé quelle est pour vous la phrase type de vendeur. Ah bah oui. Vous êtes sûr que vous êtes un 36? Parce que moi, j'irais plus un 38, voire un 40. Oula, oui, j'en ai, mais c'est pas le même prix. Va falloir sortir la carte bleue. Vous avez vraiment de la chance. C'est la dernière paire qu'il me reste de cette couleur et de cette taille. Alors, la phrase type de vendeur, c'est quand t'achètes des chaussures. Et est-ce que je vous mets le petit imperméabilisant qui va avec? Je peux vous parfumer avec la nouveauté? Je vous mets 2 échantillons. C'est vrai que ce haut, je le trouvais pas top, mais sur vous, il est magnifique. Ah, mais je l'ai plus en stock. Mais vous inquiétez pas, je vous le commande. pour dans 3 semaines. Vous avez la carte du magasin? Vous êtes sûr de pas la vouloir? Non, parce qu'au bout du 17e article acheté, vous avez 5% de réduction. Question de ouf. Merci à vous tous pour vos réactions, les amis. 8h07, Kungs, donc, il a 19 ans. Oui, oui. Il est d'Aix. Oui. S'appelle ouais. Valentin. Absolument. Ouais. J'en ai des infos. Ah bah oui. Restez avec nous sur Virgin, on est avec vous jusqu'à 9h. Il est possible de parler. Les amis, je suis très heureux d'être avec vous une nouvelle fois, 8h10. Vous vous rendez compte, on est, ça y est, déjà le 15 septembre. C'est jeudi aujourd'hui. Je vous souhaite du courage à vous qui êtes déjà au travail, vous qui êtes encore en voiture. Beaucoup d'intempéries hein, sur toute la France, pas partout, mais quasiment. Donc soyez prudents. Et puis, je suis dans un état second. Je suis dans un état du New Jersey. Jeudi 15 septembre, ça veut dire que demain, c'est vendredi 16 septembre. Ça veut dire que demain, c'est le jour J. On vous offre le plus gros cadeau qui ait jamais été offert sur une radio. C'est dingue. Vous vous rendez compte, 50 ans de loyer. On va faire un chèque peut-être de 900, peut-être d'un million d'euros. C'est magnifique. Peut-être de 3 millions d'euros. Bah non. Incroyable. Peut-être de 7 millions d'euros. Non mais c'est incroyable quand même. 50 ans. Prenez votre loyer, votre mensualité de crédit. Ok. Vous multipliez par 12, ça fait un an. Ouais. Vous multipliez par 50, ça fait 50 ans. C'est fou. 50 ans. Une vie de loyer, voilà ce que Virgin Radio va vous payer. Alors, j'ai fait des petits calculs. Vous voulez oui. Alors, je les ai là. Où sont mes petites fiches Bristol? J'ai gardé ce matin. Alors, vous avez un loyer de 1 200 euros. Oui. On fera un chèque demain matin. C'est le plus gros chèque, jamais fait sur une radio. Je peux vous dire, les patrons de Virgin Radio, c'est incroyable qu'ils acceptent de faire des délires pareils. 720 000 euros. Waouh. Oh là vous là le là. Méritez. Voilà, vous le méritez. Franchement, il n'y a que vous qui l'aurez, que les auditeurs de Virgin. Vous pouvez vous offrir 3 600 000 carambars. Ah, oui, mais il faut un bon dentiste après. Ah, il faut un bon dentiste. Oui, oui, je dis pas ça parce que. Ouais, bien sûr. Parce que je suis un petit peu du milieu. Je rappelle que Laure a son père et son chéri dentiste. Voilà. Hein? Voilà. Et pas de fin de mois difficile, comme mais on dit. Mais si, figure-toi. Ah, bien sûr, bah oui. Comme tout le monde. Parce que, parce que le golf de Deauville augmente ses abonnements. C'est pas ça, bien sûr, évidemment. Inviter 14 400 potes à faire le Space Mountain à Disney. Ah, je le fais toujours pas. Ah, t'as peur? Ah oui, j'ai jamais fait, je le ferai jamais. Oh non, c'est génial. Space Mountain, 14 400 invitations, c'est génial. Ou alors, ça, je sais pas si vous avez vu hier. Vous pouvez faire comme le. Alors, il y a Drake, c'est un célèbre rappeur. Oui. Très célèbre, voilà. Extrêmement connu. Mais vous pouvez faire comme Drake et racheter la maison de vos voisins parce qu'ils disent que. Parce que vous trouvez que vous faites trop de bruit. Ah, génial. C'est les voisins, ils arrêtaient pas de se plaindre et d'appeler la police pour dire bah, quand même, on a un rappeur à côté, comment vous dire on va pas arriver à dormir. Il en a tellement eu marre, il est allé acheter leur maison. C'est arrivé, il a dit bon, écoutez, j'en peux plus, combien votre maison? Combien? Non, mais on n'a pas prévu de vendre en fait. Si il est scolarisé à côté, Combien? Dis-moi combien, je suis rappeur. Attends, ok, allez, prends, fais tes affaires. Allez. Et il a racheté la maison des voisins pour ne rien faire, Clément. Alors que ça doit être énorme d'habiter avec lui. Tu sais, juste à côté de chez lui, il fait des fêtes tout le temps, il y a tout le temps des potes. Mais c'est bien sûr. Non. Enfin, je sais, il y a des gens plus jeunes. Moi, j'ai 35 ans maintenant. Fêtes tous les jours, je peux plus. Mmh. Non, mais en vrai, voilà, ok, bah, cataloguez-moi, mettez-moi dans la catégorie des vieux. Mais je peux plus. Non, mais t'es en coloc avec lui. Imagine, t'as ta chambre, t'as ton espace où tu peux dormir. Mais dès que tu sors dans l'appart, c'est la fête. Enfin, dans la maison même, une maison. Avec pas être qui vous rêveriez d'habiter? Tiens, je vais vous demander aussi au 3916. Avec qui est-ce que vous rêveriez d'habiter? Votre rêve, votre star avec qui vous rêveriez d'habiter? C'est qui, toi et moi? Bonjour, ma belle. Salut, Camille. Salut tout le monde. Si tu veux habiter avec une personne, une star, celle de ton choix, ce serait qui, toi? Alors moi, sans hésiter, ça serait Laurent Gérard, parce qu'il me ferait des imitations tout le temps. Et je serais tout le temps en train de rire, du coup. Bah, tu vivrais avec plein de gens. Plein d'hommes politiques, forcément, c'est plus des politiques qu'il fait, mais bon, ouais. Tu t'amuses. Exactement, ça serait plutôt pas mal. Et il a l'air adorable, en plus, Laurent Gérard. Julia, ma belle, avec qui t'aimerais habiter, toi? Salut. Oui, salut les loulous. Ah bah alors moi, j'aimerais bien habiter avec Teddy Riner, parce que il paraît qu'il est vachement sympa. Et puis une grosse bête comme ça, bah lui faire des câlins comme un nounours, ça doit être trop rigolo, quoi. Il a une tête à câlin, Teddy Riner. Ah ouais. J'espère qu'il va pas me taper pour ça. S'il est en train de m'écouter, parce que c'est que du positif. Vraiment, on sait que c'est un athlète formidable, mais il a une tête à bisous. Non? Oui, c'est vrai. Lui faire des bisous, des câlins. Non mais en vrai, Pauline au standard. Mais je crois que Julia, elle veut pas être en coloc, elle veut sortir avec lui. Ouais, c'est ça. Bon, tu m'as grillé. Non, il est marié. J'avoue. Il est marié, il vient d'être papa. Pas de ça chez moi, là, Julia. Non. On s'arrête au bisou tout doux. Bon, bah, tant pis, alors. Kevin, avec qui est-ce que tu rêverais d'habiter, toi? Salut l'équipe, salut Camille. Je suis pas une star, c'est Marion Cotillard. Elle a l'air d'être une super pote, un bien délire. Ça peut être de bons moments, quoi. Ouais. J'aime bien Emma parce qu'Emma, elle se dit Laurent Gérard, comme ça, il fait plein de voix. Julia, elle dit Teddy Riner parce qu'il fait des câlins. Kevin, c'est Marion Cotillard, quoi. C'est genre les mecs, on est vraiment. C'est non, Marion Cotillard pour coucher avec, par exemple. On sait ce que c'est. À Guillaume Canet, il s'en va, elle est un peu triste. À qui c'est qui est là? Kevin qui sort de la douche. Il s'est déjà fait tout le scénario. Et là, évidemment, on conclut. Kevin, je t'embrasse très fort, mon pote. Aussi, Julia, Emma, Teddy Riner aussi. Hein, viens pas me taper. 8h16, Charlie Puth, Selena Gomez. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. We don't talk anymore. Ils se parlent plus. Ils sont fâchés, Célé et Charlie. Mais ils vont se réconcilier. Le temps d'un morceau de pop rock électro, bien sûr. Loyer, on en parlait, 50 ans de loyer. Loyer au 7, 12, 13. Et déjà, en plus, ça vous permettra peut-être d'être le gagnant de 8h20 dans quelques minutes à peine, en direct et en exclu, dans le Virgin Tonic. C'est comme ça que ça se passe tous les matins, bougez pas. La Redoute Intérieure présente pour vous les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits.

paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. J'espère que tout va très très bien pour vous. On est tellement heureux d'être là chaque matin à vos côtés. 8h21, je sais que vous êtes nombreux en voiture, nombreux sous la pluie là à l'heure actuelle. Pas partout en France, mais beaucoup quand même. Jeudi 15 septembre, on vous souhaite du courage. Mais le meilleur moyen pour vous donner le sourire, c'est de payer votre loyer. Payer votre mensualité de crédit. On le sait tous les mois. En plus, attention, les impôts c'est là, hein. Faut payer les impôts. Oui. C'est aujourd'hui le dernier jour. Aujourd'hui, ouais. Et surtout que le loyer, c'est la première dépense. Oui. Je veux dire, dès qu'on pense, voilà, dès qu'on fait, bon, combien il va me rester pour me faire ce petit plaisir ? Premier truc qu'on met en négatif, c'est le loyer. Bah oui. C'est pour ça qu'on a choisi ça, le loyer, les crédits. Voilà ce qu'on veut vous rembourser. Il suffit de m'envoyer par SMS loyer au 7-12-13. Vous laissez bien votre numéro de téléphone et on vous rappelle maintenant en direct. Oui, Laure. Bah, il faut absolument un gagnant là par contre. Bah oui, on est à 0-0. Hein. Pourquoi ? Bah, Yves et 0-0. Amandine nous ont parlé. Amandine, ça a raccroché. Amandine, ça a décroché, ça a raccroché. Ah, mais oui, on a offert 0. Bah, ouais, c'est gagnant, là. Première c'est fois. Jamais arrivé. Ah. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô, qui est là ? Allô ? Oui ? Je suis là. Est-ce que tu, oui, est-ce que tu peux couper ta radio derrière toi, mon poteau ? Ah, bah ça, je suis kiffé, alors. Ah, oui, oui. T'as coupé ? Oui, j'ai coupé. Ah, t'es un amour. Et surtout, attends, ne raccroche pas parce que là, on a vraiment besoin d'un gagnant. Ah oui. Là, on est en sinistre. Personne ne me dit rien. Non, mais attendez, les amis, on est en sinistre. C'est pas possible. On a eu 0 gagnant. Yves, il était sur messagerie à 6h20. Amandine, on l'a eu à 7h20. M'a raccroché la bougresse. Ouais, ouais, décroché, raccroché. Ah, elle est revêche, hein, Amandine. Hein. Ouais, Camille, j'ai un problème. Vu que j'ai éteint ma radio, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bah, je t'autorise à la rebrancher une seconde si tu veux. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Oh, je suis content. T'habites où, Eric ? À Cavaillon. Oh, très beau coin, très beau coin, dans le Vaucluse. Alors, c'est toi. Eh ouais, je connais bien. Ricou, mon bichon, tu fais quoi dans la vie ? Je travaille dans l'acier. Sérieux ? Tu fais quoi ? Bah, je travaille dans la sidérurgie. D'accord, ok, poteau. Et t'as un loyer de combien, là-bas ? Je crois que c'est autour de 1300. Ouais, ça part à 1002, ça arrive à 1003, donc merci pour les 1400. Non, t'inquiète mon poteau, il n'y a aucun souci, 1300 mon Eric, je suis très heureux de te faire le chèque maintenant, déjà, voilà, très très heureux. Ça, c'est gagné quoi qu'il arrive, et ça t'empêche pas mon poteau, d'être aussi le gagnant demain à 8h20. Ça sera un autre jour. Eh ben, parce que là, aujourd'hui, et c'est déjà un très beau cadeau, hein, ça on vous le fait tous les matins, et on continuera jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez compter sur nous de vous payer votre mois de loyer, 1300 €, voilà le chèque que je te fais, et si je te reprends au téléphone demain, 780 000 € pour toi. Oh là là. Ça serait bien. T'es tout ce que ça te fait ? Ouais. Ouais. Allez, t'es tout, je te fais un chèque de 780 000 €, c'est tout ce que ça te fait. Comment ? Le principal, si je vous entends le matin. Oh, ouais, mais c'est trop mignon. Ouais, mais attends, mais toi, t'es trop sympa. C'est clair. Ouais, mais bon, après, une fois sympa, après, on arrête. Eric, tu veux bien devenir mon nouveau meilleur copain ? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Bon, réfléchis. Fais un point, tu me tiens au courant dans la journée, d'accord ? Ça marche. Oh, t'es un amour. Eric, merci de nous écouter le matin. Et puis alors voilà, ça y est, maintenant vous l'avez compris. Même si vous ne soyez pas déçus, hein, si je vous ai pas eu au téléphone là, puisque votre SMS vous a enregistré pour demain, ça y est là. Demain à 7h06, on aura fait le plus gros chèque qui ait jamais été fait sur une radio en France. C'est dingue, c'est fou. Pas y croire. Je suis comme un dingue. Ah, mais là, les amis, demain à 7h06, ce sera n'importe quoi. Pas y croire. Mais ça va, j'ai peur déjà, mais ouais. Je blague même pas, j'ai peur d'être là demain. Carrément. C'est un truc de fou, Nico du bureau. Donc tu veux dire qu'il reste 24 heures pour faire le 7-12-13 ? Ouais, c'est souvent demain, ouais. C'est souvent... Le principe de demain, c'est 24 heures en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'il reste peu de temps en fait pour s'inscrire. Ouais, demain ouais. Quoi. Ouais, d'accord. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'il fallait envoyer un SMS au 7-12-13 avec ses coordonnées. Moi, je vais vous dire les SMS. Les SMS, ils sont payants. Mmh. Les SMS, vous le savez, ils sont payants. Mmh. Donc là, par exemple, Eric, il a envoyé quelques SMS pour s'inscrire. Parfois, il en suffit d'un. Mmh. Parfois, il en faut quelques-uns. Non, ne vous ruinez pas non plus. Bah, laissez aussi faire la chance. Vous avez raison d'en envoyer plusieurs, vous augmentez vos chances. Mais je vous le dis, moi, je vous dis tout. N'en envoyez pas 300. Mmh. Vous ruinez pas non plus parce que, voilà, la chance y est pour beaucoup. Il y a des milliers, des milliers, des milliers d'inscrits. Inscrivez-vous. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez tous inscrits. Vous avez tous une chance de gagner. Après, j'ai pas envie que vous défonciez plus en SMS qu'en loyer. Faut quand même, voilà. Bah, oui. Donc, faites quand même attention. Voilà, je vous dis pas de bêtises, moi, Clément. Faut avoir le feeling, sentez-le. Quand vous dites, là, il faut que j'envoie un SMS, vous l'envoyez. Sinon, ne le faites pas. C'est une question de feeling. Sting, Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. Demain, à la même heure, on aura fait le plus gros cadeau jamais offert sur une radio. Je suis comme un dingue. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Sur Virgin Radio, merci d'être avec nous. Une belle matinée. Soyez prudents si vous êtes en voiture. Merci d'être aussi à l'écoute au travail, à la maison. Il y a encore des gens qui sont sous la douche à cette heure-ci. L'équipe, ça va ? Oui, ça oui. Vous le savez, Pauline, un nouveau chéri. Depuis qu'on a repris, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, qu'on est revenu de vacances, vous nous aviez beaucoup manqué. Elle est revenue avec un nouveau chéri, William de Bordeaux. Plus de 10 ans de différence d'âge. Et elle est au top. En même temps, on blaguait beaucoup avec Pauline sur le fait que. Je suis un peu plus vieille dans ma tête. Elle fait des trucs un peu de personne âgée. Et elle a trouvé l'amour comme ça, voilà. Ben oui, il fallait se rendre à l'évidence. Un ancien poilu, quoi. Ça nous fait plaisir. Et alors, on a fait une petite blague, on a demandé aux journalistes de dédicacer toutes les infos à Will ou la vieille branche, comme on l'appelle. C'est William de Bordeaux, il a plein de surnoms. C'est Will ou la cartouche, Will ou l'infidèle, Will ou la vieille branche. Mais ça va pas, non? Et les journalistes l'ont fait. Alors, par exemple, on a le journaliste de Marseille, la journaliste, écoutez. Vous êtes plus de 60 journalistes à côté de vous qui se réveillent chaque matin. Ouais. Tout de suite, l'actu Virgin Radio en Provence avec Julie Pierret. Bonjour à tous, les infos aussi pour Willou la vieille bronche. Génial. Maxime Allion l'a fait aussi, écoutez. Bonjour à tous, bonjour aussi à Willy la vieille branche apparemment. J'adore. Alors là, pour tous les journalistes, enfin plus de 60 vraiment qui vous préparent une info qui vous intéresse vraiment, voilà, une info de proximité, c'est important pour nous. Et ben vous savez quoi, on commence tous par salut à tous, ok, c'est les infos partout en France, enfin dans votre région, pour Willou la cartouchasse. Willou la cartouchasse de Bordeaux. C'est sa journée. Willou, c'est simple, un jour, une cartouche. Restez avec nous sur Virgin Radio. C'est Coldplay, In For The Thursday, qui va arriver dans un instant, ne bougez pas. Marionneau. Cette année, vous allez adorer la rentrée chez Marionneau. Profitez d'une remise exceptionnelle de 25% sur tous les parfums de grandes marques en magasin et sur marionneau.com. Pas une minute à perdre, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Offre et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Virgin Radio.

Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Coldplay, Hymn for the Weekend. Mais nous, pour nous, c'est Hymn for the Thursday, bien sûr, puisqu'on est jeudi, Thursday. 8h36, excellente matinée à vous tous. She lifts me up. Life is a dream and lust a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, you came to me. À vous tous sur Virgin Radio, 9h-20. On a plein de choses à faire encore d'ici la fin de l'émission. Restez avec nous, il y a Superbus qui vont être à nos côtés, ils vont nous présenter leur tout dernier titre. On a Ellie Goulding, tiens. Voilà ce que je vous ai préparé pour le pop rock électro dans un instant. Lights. Ouais, je veux dire allégé, bien c'est sûr. Frais. Ça donne envie de courir. Ça donne envie de courir, bah, ça n'hésite pas, n'hésite pas. La porte est là. Okay. Surtout pas. J'y vais. Bah, tout droit, puis tu. Et quand t'es arrivé, on fait continue, tout droit. Les amis, restez bien avec nous. Alors, et surtout, je voudrais vous dire aussi, on a l'iPhone 7 à vous offrir. Ouais. Hein, avant la fin de l'émission. Il y en a déjà un qui a été gagné ce matin. On en offrira un autre. Vous n'aurez pas besoin de faire la queue, comme plein de gens, je sais, ceux qui rêvent de les avoir en tout premier, qui sont prêts à dormir toute la nuit, faire la queue demain pendant, et qu'on peut même poser une journée de congé dans les Apple Store pour être le premier en France à l'avoir, Laure. C'est saoulant la queue, mais ça permet de faire des trucs que je fais jamais nulle part ailleurs, du style trier mes tickets de carte bleue. Tu fais ça dans la queue? Ah ouais, c'est pas bête. Mais oui, j'aime bien. C'est le seul moment où je peux le faire, parce que tu t'arrêtes jamais de faire un truc pour trier tes tickets de carte bleue. Ah, c'est pas bête. Moi, j'ai un autre truc, c'est mon grand jeu, c'est de deviner l'âge des gens à côté. Ah. Mais comme ça, je dis, ouais, 43 ans. Mais le problème, c'est que j'ai personne, on vérifie jamais quoi. Mais c'est ça. Excusez-moi, madame, c'est pour un jeu. Qu'est-ce que vous avez? Oui, Clément. Dans le même délire, moi, je les imagine tout nus. Et ça fait vachement passer le temps, je te jure que c'est très drôle. Et pareil, on vérifie jamais en fait. Bah non, faut que... Mais non, mais c'est vrai, t'imagines les gens tout nus, tu verras, 5 minutes, ça dure 30 secondes du coup. C'est bizarre. Police au standard. Alors moi, je fais des calculs pour savoir dans combien de temps je vais passer. Je me dis un quart d'heure par personne, 20 personnes devant moi, et comme je suis pas bonne en calcul, je me plante. Voilà. Ou tu juges ce qu'ils achètent aussi. Ah ouais. Ah bah, achète ça. C'est bizarre. Vous savez, c'est pas bon du tout. Et en revanche, il y a un truc, dans les queues, c'est le moment où t'achètes. Vous savez, les trucs qui sont à la caisse, que tu as nulle part ailleurs. Télé-Z. Oui. Télé-Z, les Verters originales. Tu peux l'acheter ailleurs que devant une caissière. Non, jamais. C'est clair. Ça n'existe même pas. C'est le moment où tu commences à avoir envie de tout. Tiens, si j'ai acheté des piles R4, ça va bien me servir un jour. C'est le moment où tu as envie d'acheter des piles, quoi. Oui, non. Les sucs des Vosges, là, les boîtes bleues. La Vosgienne. La Vosgienne. Tu veux trouver où, à part dans les Vosges? Clément. Les Mentos, on les trouve plus nulle part, sauf à la caisse. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça. Oui, Pauline. Et les cachous, la jaunie? Non. Pardon? Les cachous. Cachous la jaunie. Ouais. Cachous la jaunie. En quelle année tu es allé faire les courses la dernière fois? Mais il y en a encore à ma caisse. Non. Si, je vous promets. Non. Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous... non, non. Demain, je vous ramène des cachous la jaunie. Non, ça n'existe plus là. Les cachous la jaunie. Non, ça existe, mais il n'y en a plus trop aux caisses, quoi. Mais attends, c'est hyper bon, moi j'adore. Mais non. Qu'est-ce que vous faites, tiens, pour patienter dans les queues? Quand vous en avez marre, pas forcément que l'Apple Store, hein, au supermarché, peu importe. Tiens, Sandra, salut ma belle. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Ça va? Salut. Et toi, comment vas-tu? Oui, ça va, tranquille. Alors, moi, ce qui se passe, c'est quand je fais la queue dans le magasin, c'est tout le temps long, et en fin de compte, bah, j'ai un très grand sac à main. Donc, j'essaie toujours de tout bien ranger dans mon sac, et pour finir, quand j'arrive à la caisse, bah, je trouve plus mon portefeuille. Ah ouais, donc, voilà. Vous êtes dans le rangement, les filles. C'est-à-dire, vous aimez tellement ça, même dans la queue, vous trouvez un truc à ranger, quoi. Bah, c'est-à-dire, on optimise le temps, en fait. Autant que ça serve à quelque chose, tu vois, non, de faire vous la aimez queue. Ça. Alors, elle aime tellement le rangement, des fois, elle aide les gars à ranger les ice tea et tout. Mais non, c'est pas comme ça. Tu vois bien que c'est pas comme ça. Passe-moi les canettes là. Oh là. Mais, tu pourrais. Mais tu sais que c'est vrai, mais mon frigo il est rangé, on dirait une maniaque. C'est un truc de fou. T'es un peu maniaque, ouais. Hein. Oui, Pauline. Mais c'est surtout que moi, quand je fais ça avec mon sac, je retrouve des trucs de fou. Genre des cachous. Des cachous la jaunie, quoi. Mais c'est bon. Oui, mais t'en retrouves plus aux caisses, je crois pas. J'ai une bêtise, il y a plus de cachous aux caisses. Je te jure qu'il y en a encore. C'est pas pour la défendre, mais je te jure qu'il y en a encore. C'est vrai. Mais oui. Mais c'est quoi ton supermarché? Parce que normalement, il y a des briquets aussi. Normalement, c'est en gros, t'achètes les briquets. Tu vois, quoi, ils mettent un paquet avec deux silex. Mis sous le truc. C'est mammouth. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Cyril, mon bichon, qu'est-ce que tu fais pour patienter, toi? Salut, mon pote. Salut Camille, salut toute l'équipe. Alors moi, quand je patiente, que je fais la queue, j'essaye de deviner un petit peu le montant des courses qu'il peut y avoir dans le caddie, un truc comme ça. Sympa. Moi je fais ça aussi, un peu. C'est vrai. Ouais, alors. Tu improvises un juste prix en fait avec toi-même. Mais c'est ça. C'est génial. Et tu remarqueras Cyril, t'es toujours en dessous, hein. C'est vrai, je me trompe souvent. Hein. Bah, tu dis toujours, allez là, max, quand même 80, quoi. 235 euros. Hein. Ouais. Oui, Camille, je voudrais juste dire un truc. Hein. Je voudrais faire un petit coucou à Camille la Cartouche. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, Camille la Cartouche, il t'embrasse. Oui, la Cartouche, hein. Mais c'est Willou la Cartouche. Ah oui, c'est Willou la Cartouche. Ouais. Ah mince. Ah ouais, non. Je voudrais pas avoir la même répute que Willou, si tu veux bien. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est que Willou, hein. c'est un donjon. Hein. Ah bon? Ah bon? Ah non, mais du côté de Bordeaux, attendez. De quoi? Ah ben voilà. Ah ben, du côté de Bordeaux, je peux vous dire. Ouais. Non, il a beaucoup d'ex. Ils sont taqués. Ah ben, ils sont taqués. Hein. C'est qui était dans la même classe qu'Alain Juppé, hein. Sans déconner. Max, mon bichon, qu'est-ce que tu fais, toi, pour patienter dans la queue seule? Bienvenue, mon pote. Salut, alors déjà je mange un cachou la jaunie. Et ensuite je regarde par-dessus l'épaule des gens qui sont devant moi et qui jouent au jeu genre Candy Crush ou Farmy Rose. Et puis quand ils paument, je leur dis bah non, moi j'aurais pas fait ça, tu vois, plus à gauche t'aurais gagné. Enfin, dès qu'on s'ennuie, on est intrusif dans la vie des gens. Ouais. C'est vrai, c'est bizarre ça. Je t'embrasse, mon petit Max. Hey Camille, une petite chose, surtout si tu m'appelles demain, je suis dispo, y a pas de souci, j'ai branché le téléphone sur le home cinéma de ta maison, 50 ans de loyer, je suis là, y a pas de souci, appelle-moi quand tu veux. Écoute, peut-être que je t'aurai au téléphone demain. Alors là, il est 9h moins le quart, on aura déjà offert le chèque, c'est demain matin à 8h20, 50 ans de loyer. T'as un loyer de combien, Max? 815 euros, je te ferai un chèque de 492 000 euros. Oh là là. Ok, bah c'est noté, ça marche. Je te souhaite bonne chance comme à vous tous, mon pote. C'est demain matin à 8h20. Ellie Goulding, Lights. Voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le Virgin Tonic. Reste avec nous. Superbus qui arrive aussi dans l'émission. Plein de choses avant 9h. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat. And I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to a stone. You shine me when I'm alone. Merci à vous tous dans le Virgin Tonic, 8h48, j'espère que ça va pour vous, vous êtes pas trop en retard, en tout cas si c'est le cas ça tombe pas mal puisqu'on a encore plein de choses à faire dans l'émission, on rendra jamais à 9h, là je vous dis, on a beaucoup trop de trucs à faire, Superbus seront nos invités dans un instant, on va également vous faire gagner un iPhone 7, c'est même Superbus qui vous fera gagner un iPhone 7 dans un instant grâce au Paris d'Amis, et puis je voudrais vous donner cette info qui est dingue, réalisée par l'université de Yale, qui nous dit... Lire 3h30 par semaine permet de prolonger l'espérance de vie de 20%. Eh ben, c'est normal. Non mais que ça fasse du bien au cerveau et tout, je comprends, mais quand même, 20% d'espérance de vie en plus en lisant 3h30 par semaine, Laure. Bah donc je vais vivre plus longtemps que tout le monde ici en fait. Pourquoi ? Bah parce que je suis celle qui lit le plus. Ah, que... ça a commencé décrété par toi, même. Bah, oui, monsieur, c'est décrété, on en a parlé. Salut, il n'y a que moi qui lis, au fait. Salut. Ça mais sort toi, tu ça. Lis pas, tu bah, l'as si. Ah ouais, Téléstar, ça compte pas. Ah, ouais. Allô, Clément. Avec Camille, nous, on lit au moins 10 heures par jour. Ça compte les sous-titres sous les films. Bah voilà. Ça compte, Ginger. Et les tweets et les messages qu'on reçoit sur Facebook, ça compte. C'est pas lire ça. Bah voilà. Hein ? Bah c'est pas des livres, les enfants. Ouais, mollo, là, madame de Bovary, là. On descend d'un étage. Pauline. Mais je comprends cette étude parce que, par exemple, moi, je lis en ce moment le chat. Discret de l'intestin et c'est passionnant et ça m'apprend plein de choses et du coup je sais par exemple comment mieux me soigner et c'est bien mais ouais bah oui c'est bien bah oui c'est bien qu'est-ce que vous lisez en ce moment tiens Clément les panneaux sur la route l'autre jour j'ai vu Pau 488 km et tout non en vrai ça fait deux mois que je suis dessus parce que c'est un gros livre quand même mais Jean d'Ormesson il a écrit un livre qui s'appelle Mon Dieu que cette vie fumelle. Cette vie fumelle, ouais. Je suis rendu au titre. Mais... non, c'est extraordinaire, je vous le conseille. Nico du bureau. Ouais, moi je suis sur Astérix en Corse. Je suis un fan de BD et je me suis refait ça avec Nico Bou. En fait, on s'échange nos BD, on a les mêmes. Nico Bou, c'est le musicien de l'équipe. Ouais. Les deux Nico, ils s'échangent des BD. Oh, c'est tellement. Lui, il est sur Lucky Luke, moi je suis sur Astérix. Nico, vous savez qui c'est? C'est trop relou quand t'es au supermarché, qui s'assoit et qui lit les BD dans le supermarché. C'est ça qui passe l'après-midi à lire toutes les BD. Ouais, c'est là, je suis pas sûr. 9h10, restez avec nous les amis. Eh oui, Superbus qui arrive avec nous dans les studios de Virgin Radio, tous leur studio. Donc ils font bien ce qu'ils veulent, je vais vous dire. On est très heureux de les accueillir. Restez avec nous, plein de choses qui arrivent avant 9h. Leclerc. Ouais, vive la rentrée! 40% de réduction immédiate chez Leclerc! Enfin Philippe, c'est quoi tout ce refus? Ah bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah bah dis donc! Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose? Je vais faire un saut chez Leclerc! C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah c'est vrai que 40%? Voilà! Vive la rentrée chez Leclerc! Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait...

Patoche. L'équipe de choc. L'équipe de choc. Ça va les amis? Super. Mais vous avez qu'un micro? Bah, on se rapproche. Mais non, mais quand même donnez. Ah ben voilà. Ça marche? Je ne sais pas. Ah si, ça marche. Ça marche. Oui, ah ouais. Voilà. Comment vous allez déjà? Ça va. Très bien. Alors, vous, si vous êtes des habitués de l'émission, vous le savez. Pour les autres, voilà. Avant ici, c'était le studio Indochine. Et bien bonjour, Patoche est venu avec son petit gilet de serveur. Et on a décidé d'appeler ce studio le studio Patoche. Et regarde, tu peux regarder, c'est toujours c'est aujourd'hui derrière moi. Voilà. Patoche, le superbus avec une belle photo. Oui. On va remettre ça, on va remettre tout ça sur les réseaux. Ça fait quoi d'être dans ton studio là? Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, c'est une émotion éternellement renouvelée à chaque fois que je viens. On te célèbre chaque jour, vraiment. Les amis, alors il y a l'album de Superbus, ça s'appelle Six Tape, il cartonne, et il y a une tournée qui est en préparation. Ouais, on part en octobre là, ouais. Ça y est, ça va, ouais, ça y est les rockers, là, on part sur la route là. Ouais, ouais. Ça va faire des bœufs dans le bus là. Ça va faire des bœufs dans le bus, ouais. Ça va faire les bœufs dans le bus. Elle vient de la porte, elle est entourée de beaucoup de mecs hein, sur les tournées. C'est trop. Alors la tournée, déjà il y a Lille le 11 octobre au Splendide, il y a à Paris le Trianon, il y a Grenoble aussi à la Belle Électrique, ça c'est le 6 octobre. Ouais. C'est ça. Il y a plein de dates. D'ailleurs, il y a Clément qui doit venir jouer de la basse au Trianon normalement. J'ai été invité pour m'incruster au Trianon et faire une date. Ah bon, ouais. Énorme. Ah, donc c'est énorme. Je répète en ce moment comme un fou, mais normalement j'y serai. Ouais. Bah écoute, avec Laure, on a pas reçu l'invite, mais j'imagine qu'elle est tombée dans les spams. J'espère en tout cas. Et puis il y a le nouveau single, extrait de Six Tape, ça s'appelle On the River. Yeah. On the River. On the River. On the River. On va le présenter dans un instant. D'accord? On va l'écouter tous ensemble dans un instant. Patoche, t'as pris une guitare? J'ai emmené la guitare au cas où. Au cas où. Patoche, il est genre, chaud. Genre, c'est pas prévu. Patoche, mais... il est chaud toujours, quoi. Il faut jouer un truc. C'est oui, ça. Non, mais Jen, il est toujours avec sa guitare? Et il a le gilet aussi. Il a amené, si, j'ai il a tenu dans son sac. À t'apporter un gilet de tournée. Oh là là. Patoche. Oh. Je vais le chercher après. Ah, je vous jure. Vous savez, c'est le gilet, vous voyez exactement, c'est ces petits gilets sans manches qu'il n'y a que dans les brasseries. Non, mais là, il a des broderies. En fait. Il est beau, celui-là. Oh. Ah, je vous le vends. Non, celui-là, il a fait la tournée, il a été acheté à Los Angeles. Non, oh, c'est, wow. c'est un beau, bien. Ah, c'est un vrai gilet. Un vrai de Patoche. Parce qu'en général, Patoche, donc de Superbus, en général, il y a des gilets, carrément, il y a encore le fond de caisse à l'intérieur. Puis, tu sais, c'est des gilets, c'est que pour c'est, les. C'est livré avec la banane, tu sais, accroché devant pour mettre les. Est-ce qu'on peut voir ça? Alors attention, on va mettre les images, bien sûr, on va vous faire tout vivre, hein, bien sûr. On va mettre les images dans un instant sur les réseaux sociaux. Je te le fais passer. Oh là là là. On est sur une broderie vraiment incroyable. Oh là là là. Ah ouais. Donc, a fait la tournée 2012. Patoche. Il y a un truc un peu hispanisant dans le. Ouais. C'est un peu. Patoche, j'ose à peine poser la question. Patoche. Est-ce que je le ferme encore? Non, c'est pour ça que je te l'ai amené. Patoche, est-ce que tu m'autoriserais à l'essayer? Oh. Carrément, ça serait un honneur. Wow. Ok, voilà les gars, c'est. Émouvant. C'est cool. Donc tu bosses au Rancho Grill, toi? Passation. Oh là là. Il tombe bien. One for the money. Two for the show. 2,50€ le café. On est au top là. Ouais, Nico du bureau. On dirait un vendeur de la Fnac de Madrid. Tu sais qu'en faisant des vannes, tu vannes un peu Patoche. Hein. Attention là. Ouais, sur lui, c'est pas pareil. Je m'en fous. Moi, je vais envoyer un SMS. Il paraît qu'on peut gagner 200 ans de loyer là. C'est quoi? On est sur du 50 ans déjà, Patoche. Ouais, parce que moi, tous mes potes m'appellent, me disent ouais, tu vas au morning. Il paraît qu'ils font gagner, je sais pas. 50 ans de loyer, c'est demain matin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un texto, loyer au 7 12 13. Tu crois que je peux le faire là maintenant? Ah ben tu peux envoyer un texto. Jen, tu le fais? Ça craint un peu si on gagne en même temps. Bah, ça va faire genre on est maquillé. Bah, 50 ans de loyer, alors qui est la seule radio qui te paye 50 ans de loyer? C'est qui à l'appareil? Bah c'est Patoche. C'est Patoche. Mais tu sais quoi, je m'engage Patoche. Si t'envoies un SMS, tu envoies gilet. C'est ça. Au 7-12-13, bah, je te paye 50 ans de gilet. Bah, maintenant que je t'ai soudoyé avec du textile, si tu veux, j'ai toutes mes chances de gagner. Donc c'est demain matin, tu mets à 7h06, c'est le plus gros chèque qui a jamais été fait sur une radio. Ah ouais, c'est dingue. Et là, vous allez permettre de faire gagner un beau cadeau. Avant, dans un instant, de découvrir le tout nouveau single On the River de Superbus, c'est vous qui allez faire gagner un iPhone 7 à l'un de nos auditeurs, ok? Je vais vous expliquer comment. C'est le pari d'Ami, Jingle, et je vous présente Mélanie. Clément, Ginger, Laure, Pauline, Nico du bureau. Le pari d'Ami. Alors d'habitude, vous pariez sur les personnes de l'équipe, mais là, vous allez parier sur Patoche ou Jen. Attention, le principe, il est très simple. Déjà, je vous présente Mélanie. Salut Mélanie. Bonjour Camille, bonjour Superdu. Salut. Salut Mélanie. Mélanie, t'as été tirée au sort parmi des milliers et des milliers de personnes parce que tout le monde veut cet iPhone qui ne sort que demain, on vous l'offre aujourd'hui. Ma petite Mélanie, c'est très simple. Oui. Je vais demander dans un instant à Patoche et Jen de sortir du studio. Puis je vais te poser trois questions de culture générale. Ok. Ensuite, peut-être que tu auras la réponse ou pas, peu importe. Je te demanderai de parier sur l'un des deux, Patoche ou Jen, à chaque question pour me dire... Je te demanderai si, selon toi, ils peuvent avoir la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Ensuite, vous rentrerez dans le studio, vous me répondrez aux questions et je vous dirai si on voulait quelqu'un qui a la bonne ou la mauvaise réponse. C'est le pari d'Ami. D'accord. C'est un jeu qui est très difficile. Patoche, Jen, je vais vous demander de sortir du studio, Patoche. C'est chaud. Je hein. sur vous, hein, Jen et Patoche. Mais ça peut être une occasion de passer pour des cons en direct aussi. Ouais, c'est des questions, il y a de tout. Il y a de tout, sincèrement. D'accord. Et je vais vous dire, on a rarement la bonne réponse, nous aussi. Ouais. Par exemple, qui chante Allumer le feu, ce genre de truc. Tout le monde sait que c'est Zazie. C'est ça. Bah, c'est pas aussi simple que ça. Zizou. Allez-y. Ouais, Zizou, c'est vrai. Allez-y, sortez du studio, Superbus. Bon, j'ai l'impression que j'ai eu un clash. Sortez du studio, Superbus. C'est chez moi, ok? Personne ne me parle sur ce ton-là, mon domicile. Attention, on y va. Mélanie, ils n'entendent rien. On vérifie bien que tout soit déconnecté parce que je sais que la Jen est tricheuse. En revanche, je n'ai pas de questions. Attention, on y va. Merci, merci, merci. On y va, c'est parti. La première question que je vais te poser, Mélanie, la voici. Je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Première question est assez simple. Qu'est-ce qu'on ajoute à la bière pour faire du panaché? J'aime bien parce que on m'a préparé une liste de questions dans l'équipe pour avoir des questions. Et ça, c'est quand même dans la catégorie questions difficiles. Je laisse imaginer les questions faciles. Qu'est-ce qu'on rajoute à la bière pour faire un panaché? Pour l'équipe, c'est une question difficile. Oui. Le niveau des gars, quoi. Ouais. Mélanie, la bonne réponse. Patoche. Non, non, mais qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce que tu le sais? Pas du tout. Ah bon? Bah tu vois, c'est dur. C'est pas facile. Ah non, pas du tout. On rajoute du vin blanc. On rajoute de la limonade, ma chérie, tu vois. Alors, Mélanie, on rajoute de la limonade. Je vais te demander de me trouver quelqu'un qui va avoir la mauvaise réponse. Alors, je dirais Jen. Tout ce qui est alcool, tu misais sur Patoche, mais mauvaise réponse. C'est ça, c'est ça. Ensuite, je vais te demander en quelle année Julien Doré a remporté le télécrochet La Nouvelle Star. Ah, ça c'est dur. C'est très dur. Est-ce que tu as une idée, Mélanie? Ou pas du tout. Pas du tout. Ah non. Je vais te dire, c'est 2007. Ah ouais, j'allais dire 2006, tu vois. 2007. Je vais te demander de parier sur quelqu'un qui, tu penses, entre Jen et Patoche, va avoir la bonne réponse. J'irai Jen. Jen. Et enfin, je vais te poser une dernière question. Oui. Tu es prête? Tout à fait. Je la cherche. Suspense. Attention. Pour l'instant, on a parié deux fois sur Jen. Qui était le fils de Pépin le Bref? Waouh. Ah si. Eh ben, je l'aurais pas eu. Tu l'avais, Clément? Charlemagne. C'est Charlemagne. Moi, je l'avais pas. Je suis honnête, hein, je l'avais pas du tout. Je suis pas calé. Mélanie, c'est Charlemagne. Je vais te demander de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Je dirais Patoche. Patoche. Patoche, tu le sens bien sur l'histoire. En même temps, il a des gilets de prof d'histoire. Attention. On y va. On les fait re-rentrer dans les studios. Le groupe Superbus qui est de retour. Attention. Comment allez-vous, les amis? Bah bien, on attend. Les amis, on a fait des paris. Attention, on découvrira votre Charles de Gaulle dans un instant. Non. Attention, la première question, les amis, la voici. Mélanie a fait des paris sur vous tous. D'accord? Je rappelle que un seul bon pari et elle gagne un iPhone 7. C'est pas rien, quoi. Oh là là. Première question. Sur vous. Elle est destinée. C'est un pari qu'elle a fait sur Jen. Jenny. Oui. GG. GG. Nini. Jenny, la question que j'ai posée, c'est en quelle année Julien Doré a remporté Nouvelle Star? Oh. Il a remporté Nouvelle Star en une année. Est-ce que t'as une idée? Vas-y, c'est très dur, hein, je n'aurais pas eu, c'est du flair. 2007 ou 2008? 2007. C'est 2007 non. ou 2008, d'après toi? Oh là là. 2008. 2008, c'était 2007. Oh. Mince, mince. Mais t'es à ça. Ah ouais, vraiment. C'est les 2007. On cherchait quelqu'un qui avait la bonne réponse en plus. Donc c'est perdu. Le deuxième pari. Il est pour Patoche. Ah, Charles de Gaulle. Pas loin. Mélanie a misé sur Patoche. Vous nous rejoignez peut-être à l'instant sur Virgin Radio. Superbus avec nous dans les studios. Qui vont peut-être faire gagner un iPhone 7. Faut que Mélanie fait le bon pari. Elle a parié sur toi, mon Patoche. La Vas-y. Question que j'ai posée à Mélanie. Qui était le fils de Pépin le Bref? Dans l'équipe, tout le monde savait. Moi, j'en avais Charlemagne. Oh tu dis Charlemagne. Et on cherchait quelqu'un qui ait la bonne réponse. C'est gagné. Il n'a pas hésité une seconde. Hein. Ah. Oh là là là là. Où est Patoche? Alors, il faut quand même expliquer. Moi, je te j'avais pas. Alors, mais le plus drôle, je vous explique, hein, c'est qu'il y avait une troisième question qu'on a posée. Ouais. C'était qu'est-ce qu'on ajoute à la bière pour faire du panaché? J'ai dit, faut quelqu'un qui ait la bonne réponse. Elle a dit Patoche. Donc, quelqu'un qui a la mauvaise. Du bon match jeune. Oh là là, t'es contente, Mélanie? Oui, je te remercie Camille, Virgine, tout le monde et Superbus, Jen et Patoche. Hein, merci Patoche, grâce à toi, je gagne un iPhone 7. Merci Virgin Radio. Bravo. Eh ben, on est très très très heureux pour toi, ma petite Mélanie. Bah, Superbus, hein. Ils sont ici à la maison, ils vous font gagner l'iPhone 7. On va juste faire un point sur l'actu. Petite pause et on revient. Toute l'équipe de la matinale, Superbus, avec nous en direct. On découvrira le tout dernier single, c'est On the River. Et puis, je remercie tous les journalistes qui jouent le jeu parce que depuis ce matin, on leur dit de passer le bonjour au mec de Pauline qui habite à Bordeaux, Willou la Cartouchasse. Et ils le font. Écoutez, on a quelques extraits. Bonjour tout le monde et bonjour à Willou la Cartouchasse de Bordeaux. Bonjour à tous, et c'est les infos pour Willou, la Cartouchasse de Bordeaux. Parce que le ton, il est génial. Bonjour à tous les infos en Poitou-Charente et un bonjour à Willou, la Cartouchasse. C'est arrivé hier aux alentours des 20h. C'est magnifique. Les amis, petite pause sur l'actu, on revient dans un instant avec Superbus, bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, retour à un temps un peu plus calme dans le sud. Aujourd'hui, il n'y a d'ailleurs plus aucune alerte météo en vigueur ce matin. La journée sera marquée par une alternance de nuages, d'éclaircies, de faibles averses. Prévoyez 21 degrés en moyenne pour cet après-midi. Ce matin, il y a environ encore 7000 foyers privés d'électricité dans le sud-ouest. Les techniciens d'Enedis, ex-RDF prévoient un retour à la normale en début d'après-midi. Les orages marqués par 70 000 impacts de foudre ont privé d'électricité jusqu'à 120 000 foyers. Les syndicats demandent toujours l'abrogation de la loi travail. Ils seront une nouvelle fois dans la rue aujourd'hui partout en France. Des meetings et des manifs prévus dans plus de 110 villes à travers le pays, avec aussi des appels à la grève lancés à la SNCF, à Air France ou encore à la Poste. Défilé à 14h à Paris, de Bastille à République. C'est toujours l'incertitude sur la tenue du procès de la Rixe de Cisco. L'audience devait débuter à 15h cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia. La cour devait entendre les protagonistes présumés de la bagarre qui avait éclaté le 13 août en Corse. La famille marocaine impliquée dans le dossier a demandé le dépaysement du procès hors de l'île. Le parquet pourrait se prononcer dans la matinée. La SNCF a dévoilé hier l'Océane. C'est le nom du nouveau TGV qui reliera Paris à Bordeaux en à peine plus de 2 heures dès juillet prochain. Un TGV de 556 places, toutes équipées de prises électriques, prises USB et du Wi-Fi. L'Océane qui a été fabriqué dans l'usine Alstom de Belfort, menacée de fermeture. Hillary Clinton de retour dans la campagne présidentielle aux États-Unis. La candidate va devoir dissiper les doutes sur sa santé après un malaise survenu lors des commémorations du 11 septembre. Elle avait alors dû révéler souffrir d'une pneumonie cachée à tout son entourage. Les médias français débarquent sur Snapchat, Le Monde, Melty, L'Équipe ou encore Paris Match sont à découvrir dès maintenant sur la plateforme Discover. Objectif, toucher les quelques 8 millions de jeunes français accros à l'appli américaine. L'actu télé avec l'arrivée d'une nouvelle chaîne aujourd'hui pour les femmes de 18 à 49 ans, elle Girl sur le canal 45 de Canal Sat. Un petit rappel, Camille et Virgin Radio vous feront gagner 50 ans de loyer dans l'émission Virgin Tonic de ce vendredi matin. Tirage au sort demain, donc aux alentours de 8h20. Un conseil, restez joignable. En foot, belle soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon s'est imposé 3-0 sur Zagreb. Monaco a battu Tottenham 2-1. Lyon et Monaco en tête de leur groupe. Aujourd'hui, première journée de la Ligue Europa. Nice face à Shakhtar Donetsk et Saint-Etienne contre Mayence. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Pierre-Alex jusqu'à midi sur Virgin Radio. Très belle journée avec nous. Bienvenue à tous sur Virgin Radio. On dépasse un petit peu ce matin 9h11. On est toujours en direct avec vous. C'est le Virgin Tonic et on peut réapplaudir nos invités ce matin. Super. Hey, on les adore. Cœur de rocker, hein, Clément. J'ai compté en fait sur 3 ans de matinale. On a eu 8 fois des invités, mais 4 fois c'était vous. Bah ouais. Non, mais merci. C'est les plus c'est gentils. Je le dis à chaque fois qu'ils viennent, mais Jen et Patoche, groupe Superbus, c'est les plus gentils. C'est trop cool. Je les aime trop. Et en plus, j'adore la musique, mais le plus important, c'est qu'ils soient adorables. Vraiment. Et ils sont en tournée. Allez les applaudir. L'album, c'est Six Tape. On va écouter le tout dernier single dans un instant. On the River. Vous allez nous le présenter un peu, période fréquence star là. Un peu en mode ouais. C'est vraiment le single, c'est un peu plus introverti, ça veut rien dire. Toutes les dates sur son site superbus.fr et vous serez donc à Lille par exemple le 11 octobre au Splendide, à Paris le 29 octobre au Trianon, ou encore à Grenoble le 6 octobre à la Belle Électrique. C'est ouais, ça. C'est ça. J'ai l'impression que je l'apprends à Patoche. Patoche, j'étais au courant que c'est une tournée quand même. Hein. Non, j'attendais le piège, je m'apprêtais à répondre. Mais pas le bref. Louis XIII. Les amis, on est vraiment très très très heureux de vous avoir accueillis ce matin. J'espère que vous avez passé une belle matinée avec nous. Demain, c'est exceptionnel, hein, les amis. Jen, Patoche, demain, on offre 50 ans de loyer. C'est fou. C'est vous votre truc. C'est fou, je te dis, tous nos potes nous appellent. T'as pas le plan. Comment il faut faire. C'est le plus gros chèque jamais offert sur une radio en France. Ouais. Ramène-lui un gilet, il va kiffer, comme ça, t'as le temps. Non, on peut pas aider, mais vraiment, c'est un tirage au sort. En tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance à tous. Et on se quitte donc avec le tout dernier single de Superbus, On the River. Merci à tous les deux d'être venus, les copains. Merci. L'album, merci. C'est Six Tape, il cartonne, il est canonissime. Allez les applaudir sur scène. Les Superbus étaient avec nous, c'est On the River. J'ai pas d'élan mais je m'en fous. Je m'en fous, j'ai tout et j'étouffe. Alors je pars sur un bateau, sur la Tamise, un whisky bar. J'ai des amis, j'ai des emmerdes, mais je m'en fous, je pars. Ce sera la fête ce soir. Don't be late, we'll be together. Look at the river, the lights are gold. Don't be late, we're golden together. Right on the river, but I'll be cold. Never say never, under my sweater. Make it better, lights are gold. Perfect, je sais pas. Et si tu souhaites, viens sur mon sweater. Ce soir, lights are gold.

regretter, partir pour tout commencer. Oh oh, sans vous oublier, sans ne jamais me retourner, partir là où tout peut arriver. Mais il faut s'en aller quand il le faut, croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut, de mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Oh, de mes propres ailes pour toucher le ciel. Oh. Salut, c'est DJ Snake et c'est mon dernier single Let Me Love You avec Justin Bieber sur Virgin Radio. Virgin Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Sur un rocher. lâcher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Cœur éléphant, énormément, j'ai le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Virgin Radio, bonne matinée avec 40 minutes de pop rock électro non-stop qui arrive comme le dernier The Chainsmokers. Restez là. 50 ans de loyer. J-1. Et là, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui est en train de se passer sur Virgin Radio, tellement c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, on n'est plus qu'à J-1. Dans moins de 24 heures, l'un ou l'une d'entre vous verra sa vie se transformer. Puisqu'on va peut-être vous appeler demain matin. Camille Combal passera peut-être un coup de fil à 8h20 pour vous payer 50 ans de loyer. À vous, une nouvelle vie. Ça marche également pour les crédits. Justement, Aurélie, il est de combien le crédit de ta maison ? Ouais, il est de 400 000 euros. T'imagines que Camille Combal va peut-être t'appeler demain matin à 8h20 pour t'offrir un chèque de 400 000 euros. Ce serait fou. Complètement fou, ce serait magique. Donc là, je vous le dis, dernière ligne droite. N'attendez pas, après ce sera trop tard. Envoyez maintenant votre SMS code loyer au 7 12 13. Ensuite, si Camille Combal vous rappelle demain matin à 8h20 en vous demandant quelle est la seule radio qui paye votre loyer, Aurélie, tu répondras bien sûr. Virgin Radio. Donc allez-y, vous envoyez maintenant votre SMS code loyer au 7 12 13. Ne passez pas à côté de la chance de votre vie. Ça c'est le dernier The Chainsmokers. Closer arrive dans les 40 minutes de pop rock électro non-stop avec également Robin Schulz et Sia avant direction Electrochoc sur Virgin Radio. La plus grande tournée électro de France. Electrochoc va ambiancer Paris le 6 octobre. Are you ready? Vous serez 8000 avec nous pour voir sur scène The Avenger. Coombs. Le Maître. Feder. Moom. Synapson. Yuxek. Jonas Blue. Lost Frequencies. Clean Bandit. Alan Walker. Offenbach. Richard Orlansky. Les plus grandes stars électro du Virgin Radio viennent mixer pour vous. J'ai tellement dit, ça va être fou. Envoyez un SMS au 7-12-13, code électro. Et repartez avec votre séjour plus vos places pour venir le 6 octobre à Paris vivre électrochoc.

the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised.